when fact is fiction and TV reality. And today the millions cry. We eat and drink while tomorrow they die. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Le vendredi soir, le rendez-vous à ne pas oublier à partir de 19h sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. C'est aujourd'hui l'édition numéro 632, donc depuis presque 15 ans, on reçoit ici des artistes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour présenter leur travail. Et les meilleurs artistes de la région sont déjà passés sur Radio Arc-en-Ciel. Et ce soir, nous en avons un de plus, donc... je suis en train de prendre les petites fiches en même temps parce que là je suis arrivé un petit peu à la bourre, le temps de me préparer tout ça. Donc on a reçu déjà pas mal d'artistes ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et aujourd'hui donc je suis en train de regarder. Non, je ne l'ai pas dans l'ordre, donc je vais le retrouver, vous inquiétez pas. Donc déjà ce qu'on va faire, on va déjà présenter les artistes que nous avons écoutés depuis le début de l'émission. Alors depuis le début de l'émission, on a commencé cette émission avec Glass Zone. Avec un morceau qui s'appelle Architecture of Life. On a continué avec Sky Oddity avec un morceau qui s'appelle Windy Bar et qui est sorti hier, tout simplement. Ils l'ont sorti hier, ils me l'ont envoyé aussitôt, et donc on le diffuse aujourd'hui sur Radio Arc-en-Ciel. Alors Sky Oddity, c'est un groupe qui nous envoie assez souvent leur single, et qui sont pas encore venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, donc il va falloir qu'on les programme dans les prochaines émissions. Nous avons écouté aussi la reprise de U2 Sunday Bloody Sunday, interprété par notre invité de la semaine dernière, donc dans l'édition numéro 631, si vous avez bien suivi, c'était Luz Tolasi. Et à l'instant, on vient d'écouter le groupe Lajari avec Où sont passés mes rêves, le groupe Lajari qui était dans le studio il y a quelques semaines, donc et qui sont en tournée actuellement du côté de la montagne, hein, si je me trompe pas. Donc aujourd'hui, nous avons dans les studios de Radio Arc-en-Ciel un groupe, c'est la première fois qu'ils viennent dans les studios. On va tous savoir de leur univers à la fin de cette émission, donc on a tout le temps pour les découvrir. On est ensemble jusqu'à 22h et le groupe que j'ai ici devant moi dans les studios Radio Arc-en-Ciel, il s'agit de Siragis. Vous êtes sur Arc-en-Ciel, 96.2 MHz, c'est l'émission dans laquelle on reçoit les artistes de la région, les futurs artistes internationalement connus, bien entendu. Voilà, on est ensemble jusqu'à 22h et vous pouvez aussi nous écouter partout sur la planète sur le www.radio-arc-en-ciel.com. Avant de retrouver nos invités, on s'écoute un petit morceau des Coming to Insect, un groupe des années 80 qui est revenu il y a quelques temps et qui malheureusement va arrêter à nouveau sa carrière. Il s'agit d'un morceau qui s'appelle Avoir 20 ans. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika. Voilà, ça c'est la petite musique qui nous dit qu'on va dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour retrouver donc nos invités. Et justement, à propos d'invités, depuis quelques semaines, nous avons reçu, on va remonter jusqu'au 21 février, on a reçu le groupe Narcos. Le 28, on a reçu Max Livio. Le 7 mars, on a reçu Lajari. La semaine dernière, c'était le 14 mars, on a reçu Lustolassi. La semaine prochaine, on recevra ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel le groupe Azen Blues qui participera au prochain Mavrika Live. Le 4 avril, ça sera le tour de Rascas. Le 19 avril, donc ça c'est un samedi, hein, c'est pas une émission, ça sera le Mavrika Live, donc ça c'est important aussi de le noter. Le 13 juin, nous aurons aussi Max de Giovanni, et puis il y en a d'autres que j'ai pas noté encore pour l'instant, qui sont pas encore dans l'agenda, mais vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Donc ce soir, nous recevons ici le groupe Siragis. Ils sont 6, mais dans les studios aujourd'hui, ils sont venus à 4 pour représenter le groupe. Et on va commencer justement à les retrouver. Alors, bonsoir le groupe Siragis. Salut, bonsoir. Bon, c'est bon, on entend tout le monde? Ouais, c'est ça. Il y a un micro qui marche pas, je crois. Il y a un micro qui est... Il y a trop de boutons dans les consoles, moi je trouve. Hein. Ils devraient simplifier ça. Donc voilà, c'est bon, on a corrigé. Étant donné qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui vont intervenir. Donc le groupe Siragis, alors là je suis en train de regarder, tout à l'heure il n'a pas été reconnu, mais peut-être parce que j'ai fait des fautes, hein. on va regarder tout ça. Donc le groupe Siragis, alors pourquoi vous appelez comme ça? Je me suis posé la question, je pense que tout le monde doit vous la poser, cette question-là. Alors, du coup, on s'appelle Siragis parce que, moi de mon côté, Lou ici, chanteur et guitariste, et compositeur, et auteur, par mes origines iraniennes, par mon père, en fait, Siragis, c'est l'ancien nom sous les Élamites, en fait, clairement, on est plusieurs millénaires avant Jésus-Christ, c'est l'ancien nom de la ville de Shiraz, en Iran, dans le sud. D'accord, voilà. C'est vrai que moi j'ai tapé sur internet et il nous envoie Shiraz, c'est ça. Ouais. Donc c'est un rapport vraiment avec la ville. Ouais, voilà, c'est clairement, la ville, la région, tout ça, tout le berceau, quoi, voilà. Ok, donc c'est original, puisque si on cherche sur Google, on tombe directement sur vous, hein, le groupe de rock de la région de Blois. C'est ça. On va dire comme ça. Donc c'est pas très loin, d'Orléans, c'est juste à côté. Et justement, le groupe Siragis est composé de 6 personnes. Ouais, c'est ça. Alors la voix qu'on a entendue jusqu'à présent, c'est le chanteur, hein, c'est ça. Ouais, voilà, chanteur, guitariste, et je suis pas le seul chanteur en fait dans le groupe, puisque on a une voix féminine du coup qui est Emma qui n'est pas des nôtres ce soir, voilà, mais qui nous apporte toutes les bonnes ondes, voilà. Ok, donc on va présenter aussi les autres, hein, puisque là ce soir vous êtes 4, on va présenter les présents et les absents. Alors il y en a un qu'on connaît déjà, qui est déjà venu avec le groupe Barricade, qui est déjà venu avec Chris et Léo. Tout à fait. C'est Léo, là, c'est tout simplement. Voilà, encore à la guitare, hein, moi je change pas. Ouais. toujours là, voilà. Justement, tu joues de la guitare, mais tu joues aussi du luth, tu joues aussi un tas d'instruments anciens, etc. Tu expérimentes tous les instruments à cordes. Ouais, c'est enfin dans dans ce groupe-là, c'est guitariste, voilà. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Plutôt guitare, quand même. Très bien. Et en plus, on a commencé à l'annoncer tout à l'heure, mais justement, il y aura le prochain Mavrika Live. Alors, je sais pas l'affiche ici. J'avais pensé à vous, Chris et Léo, mais toi, t'étais pas disponible. Bah non, j'étais pas là. T'étais pas disponible. Ouais. Donc, on a fait appel à Chris. Il m'a dit, attends, donne-moi un peu de temps, je vais trouver quelqu'un pour venir avec moi. Il sera Chris et Phil. Ouais. Donc, c'est cool qu'il puisse le faire comme ça au moins, ouais. Parce que c'est vrai que quand il m'a dit moi que je pouvais pas, je fais c'est dommage parce que ça aurait été avec beaucoup de plaisir, mais ça sera pour une prochaine. Mais oui, mais je pense. Très bien, donc Léo à la guitare. Ensuite, Guillaume, un des deux batteurs, avec Johan, qui est pas avec nous ce soir. Mais voilà, donc on est deux batteurs dans le groupe Siragis. D'accord, vous jouez en même temps? Oui. Oui. D'accord. Enfin, ils essaient. Deux batteurs. Ouais, non, c'est vraiment original. On essaye de mélanger un peu. Ouais. Soit il y a des fois où je vais jouer en même temps, des fois on va essayer de varier un petit peu les parties. D'accord. Très bien. Et l'autre batteur, il s'appelle comment? Tu me l'as dit. Johan. Johan. Oui. Johan. Johan. D'accord. Comme ça, je marque tout ça, parce que sinon après au début j'ai un peu de mal à retenir les noms, mais après ça revient. Et enfin, le dernier. Et enfin, du coup, donc Titouan, je fais pas partie du groupe dans le côté artistique, parce que du coup, je suis le directeur technique et technicien son du groupe. D'accord. Ah, ça, c'est important aussi, ça. Bah, oui. Oui. Et il nous est bien précieux, le jeu d'homme. C'est lui qui gère tout, on va pas sans mentir. Il dit pas artistique, tu interviens quand même, enfin, tu nous fais du sound design, tu fais un tas de choses. Ouais, puis, Très bien. Studio, ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le dit de plus en plus, les artistes, aujourd'hui, il faut qu'ils soient un petit peu techniciens. Alors, souvent, c'est pas évident de tout faire, hein. Donc, se faire aider par un technicien qui est attitré, ça, c'est le top, là. Hein, vraiment. Tout le monde devrait avoir c'est sûr. C'est un luxe. Très bien. C'est gentil, les gars. Le groupe existe depuis combien de temps? Alors on a un autre membre aussi qu'on n'a pas présenté. Ah oui, un, deux, trois, ah bah oui, on manque un. Ouais. Le bassiste. Alors souvent on dit que les bassistes ils servent à rien. C'est un petit peu le cas de celui-ci, mais c'est fondamental qu'on va quand même le présenter. Ouais. Non, on plaisante, hein. Bien entendu, s'ils nous écoutent, c'est une plaisanterie qu'on envoie souvent dans l'émission Maverica en disant que les bassistes ils servent à rien, alors qu'en vérité, non, c'est primordial quand même. Bah, surtout que celui-ci il a six cordes. Six cordes. Ah ouais, carrément. On fait tout par six. Et donc c'est Valentin qui nous accompagne à la basse. D'accord. Qui joue aussi dans Freaky Beast. Voilà, qu'on partage avec Freaky Beast. Ah d'accord. Tu vois, je sais pas si tu connais le groupe. Non. Non, okay, je pensais que tu faisais. Depuis que je fais l'émission, ça fait 15 ans que je reçois des artistes tous les vendredis. J'ai pas encore fait le tour de tous les artistes de la région. À chaque fois, c'est des découvertes et à chaque fois. Et après, il y a aussi c'est dans l'histoire du rock'n'roll, c'est comme ça. Il y a des groupes qui naissent, d'autres qui disparaissent. Il y a des membres qu'on retrouve dans d'autres projets, etc. Donc voilà. Ça fait partie de l'histoire. Et après tout, ça fait 15 ans que je fais l'émission et c'est un petit peu normal parce que même les Beatles, ils ont pas fait 10 ans. Donc si on regarde bien, donc. Ouais, c'est pas fou ça. Ouais. Et pourtant, c'est un groupe qui est resté mythique, mais donc les groupes, il y en a certains qui naissent, qui durent quelques temps, et puis il y en a d'autres qui durent très très très longtemps, heureusement aussi. Quand ça fonctionne bien entre eux, ben c'est bien de faire durer aussi le plaisir et qu'ils ont toujours quelque chose à apporter. Voilà. Donc le groupe, il existe depuis combien de temps, vous m'avez dit? On va dire 2023. 2023. Voilà. Vraiment, c'est quand même assez récent. C'est vraiment formé au complet en 2023. Sinon, c'est un projet qui, on va dire, qui mijote dans les tiroirs de compos, de Macintosh, de cartes son, tout ça en fait depuis 2020. Facile depuis 2020. Voilà. Et donc voilà. Enfin, on a commencé vraiment à répéter et à construire un peu notre set en 2023. Et on a eu une première date en 2024. Et là justement, bah, une des raisons aussi de notre présence ici, c'est qu'on fait la promo d'un gros concert qu'on fait à la Maison de Bégon à Blois le 18 avril prochain. Mmh. Voilà. Pour lequel on prépare un gros spectacle. D'accord, le 18 avril, donc c'est un vendredi. Un vendredi. Exactement. Et c'est la veille du Maverica Live. Ouais, c'est ça. Voilà le truc. C'est ça que ça complique un petit peu. Bon, c'est pas le même jour, mais effectivement. Il va se coucher un peu tard. C'est ça. Très bien. Donc le groupe Syragis dans les studios de Radio Arc-en-Ciel ce soir. Alors quel est votre dans quelle catégorie de dans quel style on peut vous classer? Voilà. La catégorie, oui, pour commencer. On a choisi de faire simple sur l'étiquette. On a décidé de mettre rock, tout simplement. Rock. Parce voilà. Que fusion, voilà. En fait, il y a un tas de choses en fait qu'on pourrait mettre dedans parce que enfin, on se permet beaucoup d'écarts, on se permet beaucoup de choses, beaucoup d'emprunts à pas mal de styles quand même. Mais juste en fait, les mettre tous comme ça d'affilée, je pense clairement, enfin sur une, ouais, sur une brochure, une brochure, ça fait quand même un peu indigeste, quoi. Ça fait flipper, quoi. Tu te demandes, qu'est-ce qu'on va voir alors c'est quoi du zouk gite en métal. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Donc non, on a décidé de faire rock au plus simple. D'accord. Et les gens comme ça, quand ils viennent, bah du coup ils disent ok, d'accord, je m'attendais pas à ça. Ah ça non plus, ok, super. Et puis voilà, on a envie de laisser un peu la surprise, quoi. Bonjour. D'accord. Donc rock, c'est vrai que c'est le truc un peu on vous classe. Moi c'est le premier mot auquel j'avais pensé. Hein. C'est d'abord du rap, du rock, et puis après effectivement vous êtes inspiré par quels artistes? Alors vous êtes six membres. Mon micro. Six membres, donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'inspiration aussi, hein, différentes. Ouais, ouais, mais on a des goûts assez similaires. Il y a beaucoup d'artistes différents, mais en vrai, on aime quand même pas mal les mêmes artistes. On écoute les mêmes choses et tout ça. Donc en vrai, c'est pas si difficile de se mettre d'accord musicalement, quoi. Vas-y, balance. Bah, balancez des noms. Steven Wilson, par exemple. Mmh, voilà. Voilà, les Pros, des groupes comme ça. C'est ça. Après, des trucs un petit peu plus classiques aussi, enfin, je sais pas. Enfin, moi, je sais que... Je suis archi fan de Led Zeppelin depuis l'adolescence, enfin du Deep Purple, du Black Sabbath, tout ça. Alors après, en fait, il y a des choses, enfin on a mis aussi des choses dans la playlist qu'on va faire écouter ce soir, où on va dire, en fait, on va chercher en fait un peu le lien avec ce qu'on fait, mais en fait on va piocher un petit peu tout ce qu'on veut dedans, quoi. Mm-hmm. Et on va faire un peu notre cuisine dans notre coin, quoi. Mais comme disait Guillaume, ouais, on est assez similaires au niveau des références, des envies, de la musicalité, tout ça. Mais assez complémentaires aussi. D'accord. Voilà. Très bien, donc quand même, là tout à l'heure, les références, c'était un petit peu les années 70 quand même. Ouais, pas mal les années 70 quand même. Une révolution à l'époque. Hein. Je sais qu'avant, le rock and roll, c'était, il y avait un son, etc. Et là, quand Deep Purple, Led Zeppelin est arrivé, là c'était, qu'est-ce que c'est que ce truc là, une révolution complète. Alors moi, c'est vrai que je les ai découverts un peu plus tard, hein. Mais effectivement, quand j'ai découvert ce son-là, je me suis dit, oh là, c'est vraiment, c'est un truc super bien, super super agréable et tout ça. Ils ont révolutionné carrément le rock'n'roll, on peut dire ça comme ça. Bah, oui, assurément, complètement. Ouais. D'accord, très bien. Alors, c'est plutôt hard ou vous faites aussi des balades, des choses... Ouais, vous arrivez à mélanger un petit peu tout ça. Oui, bien sûr, oui, on fait... Il y a des morceaux beaucoup plus calmes, des morceaux un peu plus... qui vont légèrement vers les trucs un peu plus métal et tout ça, donc on essaye de ratisser un peu large. Voilà. Très bien. Donc, comment vous avez fait pour vous rencontrer? Vous êtes 6 membres, donc il y avait des projets, voilà, ça commençait à mûrir dans la tête d'une, deux personnes. Mm-hmm. Et comment vous avez fait pour rassembler tout le monde autour de ce projet? Bah, à la base de tout ça, il y a le gentleman à ma gauche, du coup, que je connais depuis pas loin de 10 ans et qui je fais du son depuis pas loin de 10 ans, pour le coup, Guillaume. Et en fait, on avait un groupe avant ensemble qui s'appelait Metz sur Blois. Et bon, quand ce groupe attirait sa révérence juste après le Covid, clairement, déjà de base, on s'était beaucoup rapprochés, on est devenus très amis, très proches. Et non, je te vois faire la gueule là, sur le côté. Arrête tes conneries là. Et mens pas. Assez naturellement, on a décidé de continuer de travailler ensemble, quoi. Et donc c'est sur ces bases là que Siragis a commencé un petit peu à mijoter, quoi. Mmh. Voilà. Et après les rencontres, ça s'est fait comment alors? Ça s'est fait comment? Alors, du coup, de l'autre côté, pas longtemps après avoir rencontré Guillaume, j'ai rencontré également Johan sur tour. Voilà. Enfin, Siragis, ça a commencé avec un compositeur en fait, guitare au milieu et chant avec deux batteurs autour de lui. Voilà, tout simplement. Et autour de lui, je parle de moi, la troisième personne. Et merde. bon, pour le coup, en fait, à partir de ça. Par exemple, dans le cas de Léo et de Valentin, c'est pareil, ça fait plusieurs années que je vous connais quand même, enfin pour le coup. Oui, pendant une quinzaine d'années. Quand même. Oui, ouais. Oh putain, c'est remonté. Et donc il y a eu tout ça et déposé en fait comme ça sur une, enfin sur cet ensemble, Emma est arrivée en fait tout à la fin et on cherchait en fait vraiment cette formule un peu assez énorme avec deux batteurs, avec une bonne section musicale et avec une chanteuse en plus. Voilà, je voulais deux voix pour le coup. Enfin, je pensais à ça. Mm-hmm. Et puis tout à la fin, le père Titouan. Et tu disais. Oui. Je voulais dire chanteuse et pianiste aussi. Et quoi. Chanteuse et, ouais, et pianiste et clavieriste. Oui, tout à fait. Mm-hmm. Ouais. Donc, elle joue très bien. Elle joue très bien du piano. Elle joue très bien du piano. Elle chante très très bien aussi. Enfin voilà, on est très contents de cette équipe, quoi. Très bien. Donc le groupe s'est composé. Depuis, vous avez composé combien de morceaux justement? On a 6 albums. Ouais, on en sort un par semaine. Voilà, c'est ça. Titouan est en train de mixer, il en a marre. Ouais. Il fait que ça. En vérité, c'est avec l'intelligence artificielle, on en fait un tous les soirs. C'est ça. T'as tout compris. Voilà, fin de carrière, les gars. Non, là sur la setlist de la maison de Bégon, doit y avoir 15 ou 16 morceaux, un truc comme ça. 17. D'accord. 17 morceaux. Ah ouais, donc. des morceaux qui étaient peut-être antérieurs au groupe, qui trottaient déjà dans la tête de certains et qui ont été après. Donc ils ont été composés, ils ont été après il y a eu les répétitions. Vous répétez tous les combien toutes les semaines, une fois par mois. Voilà. Une fois par mois, ça va. Ouais, d'accord. Fait une grosse journée de répète. Ça fait 6 personnes, ça fait quand même du monde à rassembler. Mmh. Enfin, chacun a quand même des projets à côté. Dans le cas de notre chanteuse, elle a quand même un bac à passer à la fin de l'année parce qu'elle a. Ah ouais, d'accord. Elle est jeune. Elle est toute jeune. Et oui, il y a des projets à droite à gauche. Il y a Guillaume qui a déménagé sur Cholet depuis, enfin pour le coup. Voilà, Johan est sur tour, Raymond est sur tour. Ça fait beaucoup de monde à rassembler. Et du coup voilà, ouais, enfin une fois par mois on y arrive et c'est super. Mais à côté de ça, il y a aussi tout le travail que vous faites individuellement, chacun chez soi. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de travail. Hein. Quand vous répétez déjà, vous connaissez déjà tous les morceaux. C'est juste pour vous caler bien les uns avec les autres, quoi. Alors oui, en théorie. Blague à part, c'est surtout qu'en fait dans le processus de création, c'est bon. C'est quoi le mot que je cherche, c'est varié. T'apportes généralement la base des compos et en fait on répète, on va arranger les morceaux tous ensemble. D'accord, c'est qu'on a tous cette casquette d'arrangeur arrangeuse. Et après composition sur certains sur certains passages de morceaux, sur certains morceaux carrément. Mais on va arranger les morceaux, on répète c'est ça. D'accord, on va rentrer dans le détail justement des compositions juste après, mais on va peut-être écouter carrément un premier morceau. Parce que justement, vous en avez apporté plusieurs. Trois ce soir. On va parler un peu de l'enregistrement, on va parler aussi des compositions, on va parler de tout ça. Et le premier morceau qu'on va écouter s'appelle Allegro. C'est ça, ouais. Donc c'est un petit clin d'œil à la musique classique ou... Oui, pour le coup, vous verrez pas du tout le rapport en fait en écoutant le morceau, mais enfin on va dire que dans le titre... Allegro en italien, je crois qu'il signifie quand même l'allégresse, un peu la joie. C'est un tempo assez enlevé, on va dire. C'est un tempo assez enlevé, et là on est un peu sur un contre-emploi. Voilà. D'accord. On va dire ça. Donc c'est l'exception qui confirme la règle. Allez, très bien. On écoute Siragis avec le premier titre qu'on découvre ce soir. Ça s'appelle Allegro. Let me try my heart, Voilà, premier morceau du groupe Siragis, qui est notre groupe invité de cette émission numéro 632. Et ils sont ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, on va les retrouver tout de suite. Donc ce premier morceau s'appelle Allegro. Et bon, on va raconter un petit peu comment on fait pour composer vos morceaux. Alors on avait déjà abordé un petit peu juste avant le morceau. Alors on sait que vous le construisez à plusieurs, mais qui c'est qui donne l'idée au départ ? Alors sur une large partie de la setlist actuelle, ça va être moi. D'accord. Moi, j'ai composé la quasi-totalité des morceaux à l'exception d'un seul. Voilà, sur la setlist qu'on va présenter à Béron, dont j'ai participé à la composition, mais dont le matériau source ne provient pas de moi. Mais sinon, enfin pour l'essentiel du set que, enfin qu'on va présenter, qu'on va aller défendre, c'est métier à moi, voilà. D'accord, très bien. Est-ce que c'est d'abord la musique qui vient, ou est-ce que c'est les paroles? Ouais. Est-ce qu'il y a une recette? Par habitude, moi, je sais, enfin personnellement. Pendant très longtemps, parce que du coup, enfin, mes habitudes de composition, en fait, c'était plutôt d'abord la musique, voilà. Mm-hmm. Et je sais que là, par contre, en fait, là, ces dernières années, en fait, à force de bosser un peu, de chercher des choses nouvelles, bah, parfois, je commence avec les paroles, voilà. D'accord. Mais enfin, ça peut changer du tout au tout, quoi. Bon, il n'y a pas vraiment de recette, il y a pas de recette miracle, hein. C'est pas toujours la même manière de composer. Il y a plus des habitudes et ce qu'on en fait, quoi. Et puis, quand l'inspiration en vient, elle vient, quoi. On décide pas toujours. J'imagine que c'est comme ça aussi. Très bien. On a parlé justement de la musique, des paroles. Quels sont les sujets abordés par vos morceaux ? Ils sont variés aussi. Ils sont variés. Dans le cas d'Allegro, là, on est vraiment sur un thème assez récurrent dans le rock alternatif et dans le métal un petit peu qui puise ses influences des années 90, 2000, tout ça. On est plutôt sur la détresse émotionnelle, par exemple. Mm-hmm. Mais par exemple, on va avoir d'autres morceaux qui vont... Je te vois. Arrête de faire des conneries à côté. Je comprends aussi pourquoi c'était justement en contresens. Allegro, c'était pas vraiment dans le bon sens. Exactement. Voilà. Très bien. Voilà. Notamment, Allegro, en fait, d'une manière de tourner, parle de l'addiction, notamment. Mm-hmm. Voilà. Et d'autres sujets vont être abordés dans d'autres morceaux. Enfin, on va avoir la thématique de la détresse, des émotions, tout ça. Et à côté de ça, en fait, partir complètement dans d'autres trucs, l'histoire. Voilà. Ah. Par exemple, juste aller piocher juste des influences comme ça, enfin, soit mythologiques, soit historiques et tout comme ça, et relater, par exemple, enfin, des faits anciens à notre sauce, quoi. Voilà. Ah ouais, d'accord, donc sur carrément des ouais, non mais il y a un spectre, voilà. Très bien, voilà, c'est très large, très des large. Choses qui vous inspirent, vous avez envie d'en parler dans vos chansons, et les morceaux sont toujours en anglais, à l'exception d'un seul pour le moment. D'accord. toujours une exception. Ils sont tous en anglais, ouais. Mm-hmm. Ouais. Donc l'exception, il s'appelle L'exception s'appelle Des torrents d'eau sur de larges feuilles, et il est en français pour le coup. D'accord. Voilà. Très bien. On peut dire peut-être que pour le concert du 18 avril, Il y a des surprises. Il va se passer des choses. Vous êtes meilleur que moi en communication. Il y a de la scénographie. Voilà. Retiens un peu les informations. Moi, j'allais tout dire. Voilà. Moi, je dis tout. C'est ça. J'avoue tout. C'est moi. on va en parler un petit peu de cet événement-là. Donc, le 18 avril. Ouais. Donc, c'est un vendredi soir. C'est ça. Vendredi soir, moi, j'ai piscine. Donc, j'ai radio. Mais viens avec ton maillot. On décale le concert. Mais il faudrait qu'on fasse ça un de ces jours. D'ailleurs, avec la direction de Radio Arc-en-Ciel, il va falloir qu'on commence à voir ça, de faire des émissions de l'extérieur. Donc apparemment, de plus en plus, c'est possible. Avant, c'était un petit peu compliqué. Donc peut-être qu'un jour, on pourra faire ça en direct d'un concert ou en direct d'un endroit. Ouais, voilà. C'est carrément possible. Sortir un petit peu du studio, même si la qualité en pâtit un petit peu, au moins, on est sur place avec des gens, on échange et tout ça. C'est intéressant aussi. Donc, à la maison de Bégon. Donc j'entends beaucoup parler, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Ah, donc c'est un bel endroit, il paraît. Super sale. Ah, ouais. Super sale. Ça a commencé en fait il y a plus de 50 ans comme une maison de quartier pour le coup en fait en bordure de la ZUP à Blois. Et avec le temps, clairement, avec des subventions, des partenaires et tout ça, c'est devenu clairement aujourd'hui un lieu incontournable de la scène culturelle blésoise, quoi. Mmh, ouais. Référence, très bien. Ah oui, vraiment. Ouais. C'est une salle qui sonne bien ou qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Elle sonne vraiment très bien pour le coup. Elle est super accueillante. Il y a une super équipe. D'ailleurs, on les embrasse parce qu'on les connaît bien. Et on a souvent l'occasion de travailler avec eux. Et la salle est super capacité. Il y a tout. Il y a un bar, il y a une buvette. Et il y a encore même toujours le côté maison de quartier en fait qui suit en fait. À la fois, il y a une salle de concert, il y a un studio de répétition, il y a un studio de danse et tout ça. En fait, oui, ils sont ils font plein de trucs. Il y a des cours de musique là-bas aussi. Il y a plein de choses qui se passent en fait. Ils sont porteurs de plein de projets. Il y a plein de trucs. Tout la totale. Et ce jour-là, donc, vous produisez sur la scène. Ouais. Et est-ce qu'il y aura d'autres groupes ou vous êtes tout seul? On est tout seul. Vous êtes tout seul, donc vous allez. Simple et bonne raison qu'on a préparé, en fait, un. Ah, parce que Indochine devait faire la première partie, mais ils étaient pas dispo. Finalement, ils peuvent pas. Il y a eu un désistement. Mais c'était Orléans il y a pas longtemps, ils voulaient pas revenir. Ils ont fait 4 dates quand même, donc bon, ils en ont un peu marre quand même. Ouais, c'est ça. La région centre, bien. Très bien, donc vous serez seul sur scène, donc vous allez tenir combien de temps sur une scène comme ça avec 17 morceaux au moins, je dis au moins parce qu'on a prévu des choses et on ne sait pas exactement, mais au moins 2 heures. Au moins 2 heures de set, ouais. Waouh. Donc là, ça va être, il va falloir bien vous. Ouais. Ça va être un vrai spectacle. C'est un vrai spectacle. On a vraiment envie d'offrir ça aux gens, quoi. C'est une préparation. Vous avez fait déjà beaucoup de concerts, non? Pour l'instant, on a fait le groupe est récent. Je le redis quand même pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début de l'émission. Donc un seul concert, ça s'est bien passé, ça a super, été. Ah, oui. Et donc là, qu'est-ce qui est particulier pour ce deuxième concert justement? Vous avez travaillé quoi là? Là, ce qui est particulier par rapport à la première date déjà, c'est que s'il pleut, on s'en fout. Voilà. Parce que la première fois, c'était en extérieur. La fête de la musique à Blois et c'était une très très longue journée. Ouais, je m'en souviens. Très, très très très longue. Le concert s'est bien passé. Mais non, là la particularité c'est bon, on est en intérieur, donc du coup il y a une maîtrise sur l'acoustique qui est complète. C'est beaucoup plus confortable et on a toute l'occasion en fait de dresser tout ce qui va être une direction artistique de plateau, donc un décor pour le coup. Et donc plonger en fait un peu par le visuel aussi cet univers qu'on amène un peu de l'Iran des origines, tout ça en fait, et qui se mélange un peu avec tout ce qu'on fait, quoi. C'est ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on sortira de résidence en fait. À partir du mardi de cette semaine là on va faire une résidence, on va travailler sur la mise en scène, sur les lumières et tout ça. Et le vendredi, c'est le concert de sortie de résidence. D'accord. Okay. Donc comme ça, vous avez le temps de tout mettre en place, de tout tester. De voir. Et après, il y aura juste la confrontation avec le public pour voir les réactions, etc. Donc. Exactement. Exactement. du coup, côté technique, on a quand même beaucoup de monde d'ailleurs sur ce projet-là. Donc c'est vraiment un très gros projet. Je ne pourrais non plus trop en dire parce que ça peut. Voilà. Mais on est à peu près peut-être une vingtaine de personnes sur le projet. Je crois. Oh là, ouais. 23. 23, ouais. 23. 23. Ah ouais. Donc on est. Est-ce qu'il y aura des captations justement d'images, de son, tout ça? Ah ouais. On a une grosse équipe en captation vidéo, captation photo. On a une petite équipe plateau, et puis en régie, lumière, son. Voilà. Donc, et après, au niveau des décors, vous avez parlé de décors, il y aura quoi de particulier? Est-ce qu'on divulgue tout ou est-ce qu'on garde un petit peu de suspense? Non, on va pas tout dire. Oui! Il y aura des trucs, en tout cas. Il y aura des trucs. Très bien. Bon, pour les danseuses, on garde le secret, on ne le dit pas. Hein, voilà, non, pas d'accord, donc les danseuses. Les dresseurs d'ours, les cracheurs de feu. Les éléphants. Il n'y aura pas d'ours. C'est un problème. Le cirque Amar est passé il n'y a pas longtemps. Du coup, ils nous ont laissé deux. On va récupérer des animaux. Tous les animaux sont bien traités. Ah oui, aucun animal n'est blessé. Ils ont leur loge. Dieu de la cacahuètes bio, ils sont max. C'est ça. Ouais, ok, aussi. Donc il y aura des surprises, donc vous nous préparez tout ça. Aujourd'hui, on va pas tout dire, hein, mais on va donner envie quand même aux gens d'y aller. Alors ça se passe Maison de Bégon le 18 avril, à partir de quelle heure? À 20h30. Ouverture des portes à 20h. Voilà, c'est ça. Voilà. Mmh. Si vous voulez de la place, parce que c'est gratuit, oui. On l'a pas dit. Ah oui, en plus. C'est gratuit, ouais. Donc vu que c'est un concert de sortie de résidence, ils nous prêtent la salle gracieusement, ouais. Et on fait un concert gratuit. En échange de ce prix de salle. C'est ça. Ouais. Donc c'est totalement gratuit. Donc voilà, on espère qu'il y aura du monde, mais il faut arriver un peu tôt quand même si vous voulez des places. Mmh. C'est ça, ouais. Parce qu'il y a combien ça tient ? Jauge à 400 à peu près. 380 personnes, je crois. 380, voilà. Ah ouais, c'est une belle salle quand même. Ouais, c'est très bien, ça, ouais, franchement. Très bien. Et là, vous avez travaillé justement peut-être plus votre travail sur scène, parce que vous êtes des musiciens, donc les morceaux, vous les connaissez bien et tout ça. Mais là, il va peut-être falloir essayer de bouger un petit peu, capter un petit peu le regard, l'intention des spectateurs. Alors, vous avez prévu de bouger, il y a des choses comme ça qui sont prévues, non ? Oui, en fait, ça va être le but aussi de la résidence, ça va être d'avoir accès à une scène où justement on peut essayer d'aller le plus loin possible dans ce qu'on veut montrer du groupe, dans ce qu'on veut proposer. Et aussi, c'est aussi pour ça que on n'a pas fait énormément de concerts, qu'on n'a pas multiplié tout ça, c'est que on n'est pas dupes. On est une formule qui est assez imposante. On n'est pas dupes. Nous ne sommes pas dupes. Voilà, avec les deux batteries, au niveau technique et au niveau tout ce que ça engendre en termes d'organisation, c'est pas une formule qui est facile à transporter où on veut. Et là, le but, ça va être de se dire, ok, on a une super salle, on a vraiment une scène qui va être adaptée justement à notre formule et à tout ce qu'on veut proposer pour notre spectacle, en fait. On met le paquet. Enfin, faut vraiment qu'on fasse ce qui est le plus proche de ce qu'on veut faire réellement, quoi. Putain, tu fais ça bien. Il est bon. Ouais, on veut prouver en fait qu'on peut faire des gros projets comme ça et qu'on peut nous faire confiance sur une grosse scène, sur un show comme ça de plus de 2 heures qu'on peut assurer, quoi. D'accord, voilà. Très bien. Alors c'est vrai que c'est vraiment particulier. Moi, je crois que je connais un seul groupe où il y avait deux batteurs. Ouais. Vous en connaissez d'autres, hein, à part vous. Moi, ce que je disais, il y a eu un moment où King Crimson a joué avec trois ou quatre batteurs. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Ouais. Il y a un pas de là. Moi, j'ai trouvé ça pas fameux, mais je préfère King Crimson avec une batterie, c'était bien. D'accord. Pourtant, ils avaient des très très bons batteurs, mais voilà. Il y a Le Prousse qui joue avec deux batteurs sur scène, pas en studio, je crois, mais sur scène, en tout cas, il y a deux batteurs. Mmh. Et il y en a d'autres, j'en avais vu un passé, mais j'ai pas retenu le nom. Mais il y a d'autres groupes qui jouent à deux batteurs. Moi, j'ai l'occasion d'en voir un. C'est un groupe qui venait du Portugal, justement, et il a joué au Bouillon ici. C'est un groupe qui s'appelle Pauche. Pauche, ça veut dire les bâtons, bout de bois, quoi. Et la particularité, c'est qu'il y a deux batteurs qui sont face à face. Voilà, il y en a un à droite et un à gauche. Ils se regardent l'un à l'autre. Et le bassiste et le guitariste sont derrière. D'accord. Donc ils ont mis carrément, ils ont inversé complètement les. Ils ont cette particularité-là. Ils se répondent l'un à l'autre, etc. Donc c'est de la particularité. Ouais, et ils ont joué, ils ont fait une tournée sur européenne. Ils étaient passés au Bouillon à la Source. Donc j'ai eu l'occasion de les voir et ouais, ça envoie bien, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est original et. Nous on joue pas face à face avec Yohan parce qu'on peut pas s'encadrer, on peut pas se voir. D'accord. Enfin, pour t'expliquer un petit peu, genre, la lutte qui sommeille, déjà, en fait, on saura jamais lequel des deux est le moins bon, déjà, premièrement. Et ensuite, il y en a un qui est breton, l'autre qui est normand, si tu veux. Donc, c'est assez dangereux tous les jours, on répète. Hein. Ouais, il y a des baguettes qui volent, il y a des cymbales, tout ça, enfin, c'est un carnage. Ouais. La puissance du groupe vient de cette haine, en fait. C'est ça. Alors, si on les met en face à face, ils se tapent l'un sur l'autre. Ouais, c'est ça. Donc, dessus. On met les cymbales et tout ça entre les deux pour éviter justement qu'ils soient du mal. Exactement. Et puis les jets de baguettes, ça nous concerne aussi au bout d'un moment. Donc de jouer des baguettes. Ça fait mal. Donc tous des séquelles derrière, dans le dos, etc. Donc ça fait mal. Très bien. On plaisante, bien entendu. Vous pouvez aller au concert, il n'y a pas de risque d'accident ni quoi que ce soit. Non, pas trop de baguettes. Je t'aime, Yohan. On a parlé tout à l'heure des inspirations et justement ce soir, comme vous savez, trois morceaux enregistrés qu'on va diffuser. On a peut-être un qu'on diffusera deux fois ou parce que comme l'émission est longue. Mais vous avez aussi apporté des morceaux que vous avez envie de partager avec les auditeurs et c'est des artistes que vous appréciez et qui vous ont et ou qui vous ont inspiré. Oui, exactement. Alors le prochain justement c'est parce que j'ai pas mes lunettes, donc c'est très loin, donc je voyais. Tu vis dangereusement. Ouais. Alors, oui, je suis obligé de les mettre, les enlever, donc c'est pas évident. Très bien. Oui. Donc alors ce groupe là, pourquoi? Bah, en fait, c'est, on l'a évoqué pas directement, mais Guillaume a parlé de Steven Wilson et Porcupine Tree, c'est le groupe où justement Steven Wilson lead le projet, quoi. Mm-hmm. Bah c'est un groupe, ouais, c'est une bonne référence sur les sonorités, sur le côté très progressif. Enfin ouais, c'est une belle inspiration. Moi, c'est un groupe que j'adore. On a joué un morceau de Porcupine Tree. C'est vrai. Jadis avec c'est Guillaume. Il y a bien longtemps. Quand la guerre. Quand on a commencé à jouer ensemble, en fait, c'était ouais, vraiment l'époque. En fait, on traînait au conservatoire et il y avait un projet de réarrangement de morceaux justement pour orchestre. Enfin, voilà, pour des instruments de musique classique et de musique actuelle. Et bon, c'est là où, enfin voilà, j'avais pris un morceau de Porcupine Tree qui est pas celui-là, mais enfin voilà, c'est vraiment un groupe que j'adore et qui est très très inspirant. Je trouve au niveau musicalité, c'est génial. Ah ouais. Très bien, bah, comme on parle depuis pas mal de temps, hein, c'est ouais, bien de parler, on a expliqué plein de choses, on avance bien dans la connaissance de votre groupe. Et justement, on va faire une petite page musicale et on va écouter ce morceau-là tout de suite.

Merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika tous les vendredis à partir de 19h. On est ensemble jusqu'à 22h et ce soir c'est l'édition numéro 632 et nous recevons le groupe Siragis. Ils sont ici présents dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et on va les retrouver tout de suite. Donc on vient d'écouter deux morceaux à la suite. C'est des morceaux que vous avez choisis, c'est des groupes que vous aimez, qui vous ont inspiré. Et vous voulez nous en parler un petit peu de ces deux morceaux là qu'on vient d'écouter là? Oh bah oui, vas-y, ouais. Léo, commence, tu étais le premier. Bah après, moi j'ai déjà fait l'éloge de Porcupine Tree. Ouais. Moi j'aime beaucoup, c'est un de mes groupes préférés. Voilà. Ouais, franchement, le son est super agréable. J'adore le son de la guitare, franchement. Ouais. Et puis voilà, c'est des musiques qui s'écoutent. Et c'est justement l'originalité de l'émission Mavrika, c'est qu'à chaque fois, il y a mes invités apportent des morceaux que j'ai pas forcément choisis. Et à chaque fois, c'est une découverte. Donc d'une émission à l'autre, bah, elles peuvent être complètement différentes. Et c'est ce qui enrichit aussi l'émission Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel. Donc voilà, superbe morceau que je connaissais pas, que j'ai découvert, mais que j'ai maintenant sur mon ordinateur, que je vais pouvoir réécouter avec beaucoup de plaisir. Voilà. Donc et puis le deuxième morceau. Ouais, c'était moi qui l'ai choisi. Ouais. C'est un morceau du groupe Opes, qui est un groupe de metal prog, pareil, qui s'appelle Atonement. Et c'est un de mes albums préférés de ce groupe-là. Et c'était pour mettre un peu en avant aussi le côté orientalisant, un petit peu, qu'on peut avoir aussi dans Siragis, dans certaines compos. Mmh. Voilà, donc c'était un peu pour mettre en avant ce truc-là. Et parce que c'est une très belle chanson qui va être hyper atmosphérique, je trouve. Il y a un peu de paroles, mais c'est vraiment beaucoup d'ambiance et tout ça. Mmh. C'est ce qui me plaît vraiment. Et en plus, dans les autres radios, on passe des morceaux de 3 minutes et quelques. Et là, sur Radio Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrika, on peut se permettre de passer des morceaux qui font 6 minutes et quelques. Exactement. Et même avec un silence au milieu. Et ça, c'est vachement bien. Ça, c'est bien. Voilà. C'est vrai que c'est bien d'écouter des morceaux dans l'intégralité. Et puis des morceaux comme ça qu'on écoute rarement dans les autres radios. Et voilà. Ouais, on vous a pas fait l'affront de faire des morceaux de 11 minutes, mais on aurait pu. Nous on n'est pas limité, on peut faire ce qu'on veut dans l'émission Mavrika. Et donc toutes les radios voudraient faire comme nous mais peuvent pas parce qu'ils sont tenus de respecter des trucs. Mm-hmm. Nous on est vraiment libre, on est encore une radio qu'on peut mettre entre guillemets et dire libre, et puis on passe vraiment ce qu'on aime avec notre cœur et c'est ça le plus important. En tout cas, merci pour nous avoir fait découvrir ces deux morceaux. Il y en a encore d'autres, hein, donc on est ensemble jusqu'à 22h, encore plein de choses à découvrir. Et ce soir, donc, c'est le groupe Siragis, donc un groupe de la région de Blois, qui a 6 membres. Il y en a 4 qui sont là ce soir pour nous parler justement de leur projet et aussi pour nous parler aussi de l'événement qui aura lieu le 18 avril à la maison de Bégon, donc à partir de 20h, c'est ça, ouverture des portes et le concert 20h30 à peu près. C'est-à-dire quand tout le monde est installé, quand les 1500 personnes seront là, donc on peut commencer. Quand ils ont fini d'abattre le mur pour que tout le monde puisse voir. Quand ils ont fini de crier le nom de Siragis. Voilà, ouais. On pourra commencer le concert. D'accord. Ça nous arrive tout. Donc, par contre, il faut s'effécher parce que la salle, justement, il y a une jauge, hein, il faut la respecter. Ouais, il y a, c'est ça, ouais. 350 personnes, 380, 380, ouais, à peu près, c'est donc, ça. Il faut être dans les 400, quoi. Parce que sinon, on espère que ce sera rempli, mais on espère que tous les gens pourront, effectivement, venir. Organisez-vous pour être 380. Voilà, c'est ça. Amenez des gens. Passez-vous le mot, faites un WhatsApp. Faites du covoiturage. Ouais, louez des bus, des trains, des avions. Voilà. Des jets, des hélicos. Non, les hélicos, c'est pour quand vous quittez la scène. Ah oui, c'est ça, à la fin. Il y a l'hôpital pas loin, donc on peut atterrir sur le toit. Voilà. Et souvent, il y a une question que je pose, c'est quel serait votre plus grand délire artistique que vous aimeriez réaliser. Donc là, on est parti dans le délire, là, carrément. Mais on aimerait bien que ça arrive, ça, justement. C'est que le deuxième concert. Après, quand vous partirez en tournée internationale, donc les États-Unis, le Canada. Jet, voilà, tout ça. L'empreinte carbone. C'est marrant, c'est des sujets que maintenant qu'on aborde facilement. Alors qu'avant, on n'en parlait pas du tout. C'est vrai que même ce concert là, à la maison de Bégon, ça fait de l'électricité. Une centrale nucléaire qui juste pour vous. C'est ça. Il faut au moins. C'est important de faire de la musique responsable. D'accord. Donc, pas de taper dans des trucs. Alors, ce qu'on va dire, c'est que vous pédalez pour faire marcher vos instruments, oui, les antennes, tout ça. Enfin, les techniciens plateau. C'est pour ça, les 23 techniciens. Les 20 personnes qui sont là en plus de nous sont là pour ça. Et des volontaires parmi le public aussi. À côté de sa carrière de sondier, si tu veux, Titouan est champion de cyclisme. Meilleur grimpeur. Ok. Bon, on revient à les choses sérieuses quand même. Donc, le concert aura lieu, Maison de Bégon, le 18 avril, c'est un vendredi soir. Et vous êtes seul sur scène et vous allez tenir 2 heures quand même. C'est quelque chose de formidable. On espère tenir. 2 heures sans les rappels, bien entendu. C'est vrai. Ah, c'est vrai qu'on avait pas dit ça. Au moins 2 heures sans les rappels, je pense, et un peu plus du coup avec les rappels. Est-ce que les morceaux que vous interprétez en live sont des morceaux qui sont figés, ou est-ce que vous les faites évoluer des fois, vous prenez des libertés, vous les faites durer au lieu de 6 minutes, vous les faites durer 8 minutes ou... Encore une fois, oui, ça dépend. On a quand même une ligne conductrice sur les morceaux. Il y en a qui sont très millimétrés pour le coup, et il y en a qui sont un petit peu plus free pour le coup. D'accord. Voilà. Mais ça reste quand même relativement raisonnable. On est quand même sur 2 heures de set. Il faut qu'on se discipline un peu, quoi. Certaine rigueur quand même, parce que sinon après ça part en live et puis on sait plus. On sait plus s'arrêter, et puis c'est pas toujours évident à gérer tout ça. C'est ça. Et puis après, il y a des fins de morceaux, par exemple, qui vont durer plus longtemps, mais ça va dépendre de l'ambiance le public, la cohésion, ce qui se passe, tout ça. Puis il y a des morceaux qui se prêtent aussi, des fois, durent un peu plus longtemps, côté ambiance, ça mérite un peu d'impro. Il y a des morceaux, quand même, qu'on essaie de cadrer pour les garder quand même efficaces et pour pas non plus dénaturer complètement. On a fait un concert avec un seul morceau, finalement on n'a pas réussi à s'arrêter. Très bien. On peut vous retrouver sur Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, un site internet? De toute façon, le premier sur lequel vous avez plus de chances de nous trouver pour écouter ce qu'on fait et regarder ce qu'on fait, puisque là, du coup, on tient à préciser que les 3 morceaux qu'on va diffuser ce soir de notre composition ont été enregistrés en fait dans des conditions live. Enfin, live pas dans le sens concert, mais en fait live dans le sens multipiste simultané, quoi. Au détail comme ça, mais c'est pas une version studio. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire que vous n'avez pas enregistré indépendamment tous les instruments et rassemblé tout ça après. On a enregistré le clip simultanément avec le fait d'enregistrer le morceau, quoi. Le plus clair, c'est d'aller voir la vidéo. C'est une live session, c'est ça. C'est donc il y a le site, il y a le Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut vous contacter? Instagram, une chaîne YouTube peut-être. YouTube sur lequel en fait on va trouver toutes les vidéos. Et on a démarré un TikTok. On essaye d'être actuel. Voilà, d'être jeune. D'accord. bouts de vidéos qu'on met, d'accord. Ça commence à bien fonctionner. On a pas mal de vues et tout ça, donc c'est cool. Et puis ça permet de toucher un autre public en fait, parce que c'est vrai que c'est un public qui est peut-être un peu plus jeune sur TikTok, et ça permet de diffuser un petit peu plus la musique, donc c'est cool. D'accord, donc il y a un avion qui vient à fretter directement de Chine, parce que grâce à TikTok. Exactement, on a un public asiatique déjà. C'est ça. On parlait tout à l'heure justement d'Indochine, et il y a un truc qui est marrant, c'est que Indochine marche dans les pays francophones et au Pérou. Et on sait pas pourquoi, il y a eu un truc, ils avaient été faire un concert là-haut et tout ça. Au Pérou, ça marche du tonnerre, Indochine. En Russie, ils ont un truc avec Patricia Cass et Mireille Mathieu. Je peux pas tout expliquer. Il y a des trucs comme ça. Par exemple, il y a aussi au Japon, c'est Mireille Mathieu, etc. Il y a plein de trucs. Moi, il y avait un truc aussi où j'étais surpris, c'est au Portugal, par exemple, un des grands chanteurs français, c'est Gilbert Bécaud. Schindler, ah, Beko, ouais, et pourtant, moi j'ai écouté là-haut sur des radios portugaises, ils parlaient de, des grands chanteurs et Gilbert Beko, ça fait partie des. Alors que nous, on l'a un peu oublié, hein, c'est un grand chanteur, bien entendu. Ouais, ouais. Mais nous, c'est pas forcément celui qui nous vient en tête et voilà, comme quoi, ça peut être surprenant. On sait jamais, ouais, ça se trouve, voilà, on est dans une petite archipel et des gens nous écoutent. C'est ça. Alors, bah tiens, et puisqu'on parle de ça justement, Allegro qu'on a écouté tout à l'heure. Mmh. Oh là là. Ah ça arrive, on est à la fin de la semaine. Ouais, hein, non, du coup, ta sœur qui a écouté Allegro qui a traversé du coup l'Atlantique et on a quelques followers en fait américains qui sont basés dans une ville en Alabama qui s'appelle Mobile, du coup. Et ouais, enfin, on a reçu des messages d'une petite parcelle de public anglophone comme ça, et on était super contents, quoi. Ouais, c'est marrant, il suffit qu'il y en ait un qui découvre, qui fait connaître à d'autres, et ainsi de suite, et puis après, il peut y avoir justement peut-être des demandes pour des prochains concerts là-haut en Alabama. On se déplacera avec plaisir. Je sais qu'une fois, bon, ça date d'il y a quelques années aussi, et bah justement, c'était aussi le Pérou. Tiens, ça, j'avais reçu une carte postale du Pérou, comme quoi ils écoutaient l'émission Maverica au Pérou. Donc j'étais surpris, j'avais mis sur le coin là ici, et elle a disparu un jour. Bon, quelqu'un l'a pris. J'avais mis sur la vitre, donc j'avais. Bah non, rendez la carte. J'ai connu l'histoire justement. Je dis comment ça se fait qu'au Pérou il y a des gens qui nous écoutent sur Internet, etc. Effectivement, c'était quelqu'un, une personne portugaise qui a vécu à Orléans et qui a été au Pérou et là-bas avec ses amis péruviennes. Eh ben, ils écoutaient l'émission Maverica tous les vendredis. Ils avaient pris cette habitude-là. Et du coup, on était un petit peu connus là-haut au Pérou. Donc ça nous faisait plaisir. Et ils nous envoient carrément une carte postale et tout ça. On était fiers. C'est super. Donc voilà, s'ils continuent de nous écouter, on leur fait un petit coup du côté du Pérou et partout au-delà des frontières françaises. Voilà. Très bien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure? On avait déjà parlé déjà. Ah ouais. Donc on a parlé des différents sites où on peut trouver de quoi ce que vous avez posté, quoi. Ouais. Donc le site Facebook, TikTok. Il y a plusieurs vidéos aussi qu'on peut retrouver, des vidéos complètes, Donc pour l'instant, il y en a combien? Pour l'instant, en fait, on a 3 clips. Pour le coup. Après, il y a des shorts. Et il y a des shorts sur YouTube. Ouais, il y a des teasers. Voilà. Ouais. Des clips qui sont sortis, mais bon. Vous avez déjà les clips, donc ça sert pas à grand chose de les regarder. On vous dit pas quoi faire. Si vous voulez regarder les teasers, il faut fouiller un peu. Regardez les teasers, ils sont assez bien. J'ai regardé les teasers. Mettez un petit j'aime, un petit commentaire. Ouais, c'est toujours plaisir. J'ai vu les teasers où on voyait les différents membres, et puis on voyait Léo aussi qui faisait son solo. Son solo. Et tout ça. C'est tout Léo, ça. Et même la qualité son est super bien, quoi. C'est bien capturé, tout ça. Et c'est vrai qu'on arrive, et tout d'un coup, ça coupe. On dit, c'est dommage, on a envie de découvrir un peu plus. Donc, c'est un métier. D'accord. En tout cas, on travaille sur d'autres futurs contenus aussi. On continue. On va filmer le 18 avril. Ouais. On enregistre, on compte. Voilà. On travaille, on avance. Voilà, exactement. Voilà, pour l'instant, il y a des enregistrements qui sont faits en direct, donc avec tous les membres en même temps. Est-ce que vous avez envie de vous isoler aussi sur en studio pour enregistrer un album? Alors, un album, pas tout de suite, mais on a un maxi 45 tours un petit peu exactement ces derniers temps en studio avec Mister Tito par là, et on vous en dira pas plus. Vous découvrirez en temps et en heure. Donc, allez sur vos différents réseaux pour suivre au fur et à mesure. Il y a un agenda secret, vous saurez tout. On a fait un rétro planning, c'est ça. Un paperboard, voilà tout ça. Mais non, il y a des choses qui sont prévues, on mettra tout en temps et en heure. Et il y a des choses qui arrivent dans pas si longtemps du tout. Ouais, voilà. Très bien. Alors, pour l'instant, vos morceaux, les trois morceaux qu'on va diffuser dans l'émission ce soir, on peut les retrouver aussi sur sur YouTube, justement, les trois clips. Oui. Est-ce qu'on les retrouve aussi sur les autres plateformes facilement? Pour l'instant, non, mais c'est en projet. Ouais, on est en train de réfléchir à ça, à monter, enfin à se monter une page Spotify, Deezer et tout ça. C'est ça. On va commencer. On voulait attendre de voir comment ça prenait un peu. Vu que ça prend plutôt pas mal, je pense qu'on y réfléchit en tout cas. Mais... Par défaut, en streaming, on est déjà sur YouTube Music, puisque du coup, on a diffusé les morceaux sur YouTube. Donc, du coup, vous pouvez nous retrouver sur YouTube Music. Mais oui, comme disait Guillaume, du coup, là, ça se discute encore pour Spotify, Deezer et tout un tas de trucs que je connais pas. Il y a plein de plateformes qui sont moins connues, mais on sera dessus. Et qui c'est qui s'occupe de tout ça? Parce que là, c'est aussi un travail. On parlait tout à l'heure des musiciens. Vous êtes musicien, vous êtes auteur, compositeur, vous êtes musicien, vous êtes technicien. Il faut toute une équipe au bout d'un moment. Donc, pour l'instant, en fait, il y a personne d'attitré en fait à cette tâche-là. Donc, chacun met un petit bout. Ouais, c'est ça. On se partage un peu le d'accord, travail. D'accord, c'est ça. Ouais. Très bien. Donc voilà. Moi, je vois, il y a toute une mise en place et tout ça. Mais bon, pour l'instant, ça se passe bien comme vous voulez. Est-ce que pour le concert qui va venir, est-ce que les gens pourront avoir un CD ou il y a rien de prévu pour l'instant? Il y a pas de vente physique prévue pour l'instant. Ouais. Donc est-ce qu'il y aura d'autres choses? Parce que les gens qui vont au concert veulent aussi avoir un peu de merch. Est-ce que il y aura quelque chose, des t-shirts, des autocollants, des... Pas encore. Pas tout de suite. Parce qu'on voulait attendre de voir un peu comment les gens réagissent. C'est ça. Ouais. Parce que là, on a fait donc du coup le premier concert qu'on a fait à la Fête de la Musique. Ça s'est très bien passé ça. Mais là, ce concert-là, ça va vraiment être... un croisement vraiment, on va voir comment les gens réagissent à notre musique et à... parce que sur la Fête de la Musique on n'était pas le seul groupe, c'était un plateau de trois groupes. C'est ça. Ouais. Là on a joué, du coup on a dû jouer une heure, un truc comme ça, à la Fête de la Musique. On a joué 1h20. Voilà, 1h20. Là vraiment c'est un show que avec Sir Agis, avec ça. Vraiment des scènes, enfin une scène chiadée et tout ça. Donc on va voir un peu comment les gens réagissent à l'univers du groupe et tout. Mmh. Et puis on verra effectivement pour faire des albums physiques et tout ça un peu plus tard. Puis du merch aussi, ouais. Il y a un côté un peu crash test en fait là pour cette date. Ouais, on va tenter des choses et tout ça. Enfin, bon, rassurez-vous, enfin pour le coup, enfin si vous nous écoutez, on va pas vous emmener dans l'espace non plus, on va pas vous ratatiner à la gueule. Il y aura quand même en fait, évidemment en fait, un lien. Vous allez entendre des choses en fait qui vont vous paraître familières, enfin des styles qui vous parlent pour le coup. Mais c'est à partir de ça pour le coup, enfin comme je disais pour le rock tout à l'heure, en fait qu'on va se permettre des petites choses pour le coup. Voilà. Mm-hmm. En termes de scénographie, en termes de direction artistique, et je peux pas vous en dire plus. Faut venir vous voir. Ah oui, voilà. Il faut donner vraiment envie aux gens d'aller vous voir. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres concerts qui sont prévus après ça? Ben, on en cherche justement. On en cherchait. Voilà. Et pour l'instant, c'est vraiment celui qui va vous révéler. Ah quoi. Ouais, c'est. Vraiment bah, on espère, ouais. Ouais. Croisez les doigts. Un petit concert, tout le du bois. C'est. Ah ouais, parce que vous êtes seul sur scène, donc les gens qui viendront ce jour-là, c'est pour vous voir, vous. Ouais. Parce que des fois, ça arrive qu'il y ait plusieurs groupes. On va voir un groupe, on découvre un peu les autres, mais là non, c'est les gens qui vont soit ils vous connaissent, ils vont venir vous voir avec plaisir, ou soit ils vous connaissent pas, ils vont venir vous découvrir. Et là donc il faut pas les laisser, faut vraiment les épater, leur donner envie de vous suivre quoi. C'est le but. On fait le maximum pour. Il y aura pas trop de problèmes là-dessus, je pense. Cet homme est confiant. Oui, c'est vrai. Titouan est notre premier fan. Voilà. C'est ça. Exactement. Très bien, le morceau qu'on va écouter juste après, c'est le titre Fade. Ouais, c'est ça. Vous avez quelque chose à dire dessus ou on en parle juste après? Eh ben, petite touche de nostalgie pour Fade. D'accord. C'est tout? C'est tout. C'est tout. Et vous allez comprendre. D'accord, on écoute Fade, le groupe Sir Agis, qui est notre invité de cette émission numéro 632. For a time I didn't ever know. is your voice. Young girl, if you can't fetch, give another way. Young girl, all you have out to make is a choice. To make is a choice. Come back time. Time I had it said to do. I can tell you why something is so bad now. And I wish, oh, I wish I could never let it go. Thank you. mistaken. How can I be mistaken? Once again. Comme ça dans l'émission Mavrika, on écoute les morceaux jusqu'à la dernière note, voilà. Donc un morceau choisi par nos invités, le groupe Syragis, un groupe de la région de Blois qui a fait le voyage pour venir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On est à 5 minutes du centre d'Orléans, on est à Fleury-les-Aubrais et dans le studio de Radio Arc-en-Ciel, le grand studio de Radio Arc-en-Ciel où les meilleurs artistes sont venus. Donc ce soir le groupe Syragis, on a des découvert un peu tout leur univers. On a encore plein de choses à dire. Hein. Et puis, on n'est qu'à la moitié de l'émission. Hein. Donc, restez avec nous jusqu'à 22h. Et là, on vient d'écouter justement un morceau qu'on voulait programmer un peu plus tôt, mais finalement, on l'a passé que maintenant. Alors, qui c'est qui nous en parle de ce morceau-là ? Eh ben, c'est encore un morceau à moi. Donc, c'est Lepros, du coup, le groupe dont je parlais avec deux batteurs sur scène. D'accord. Et voilà, et c'était pour mettre un peu plus en avant ce côté... cette inspiration un peu plus métal et tout ça, et très épique, qu'on aime beaucoup aussi mettre un petit peu dans nos morceaux. À part Léo, apparemment, qui n'aime pas ce groupe. Ah, il n'aime pas ce groupe. Je suis pas hyper fan. Mais ça, c'est parce qu'il n'a aucun goût, mais ça, c'est exactement pas c'est ça. Et juste avant, on a écouté aussi le morceau, votre morceau qui s'appelle Fade. Oui. C'était mieux que les pros. Mais... C'était mieux. Voilà, on voit qu'ils sont pas toujours d'accord, mais bon. On s'apprécie. Enfin, c'est votre morceau, c'est votre morceau, donc forcément, c'est celui que vous défendez aussi. Hein. Alors, ce soir, on va en découvrir trois. C'est le deuxième qu'on écoute dans l'émission Mavrika ce soir. Alors, les gens ont déjà pu le découvrir s'ils ont regardé sur votre chaîne YouTube. Il y a les trois clips vidéo, donc on invite les gens à y aller et mettre un petit pouce en l'air. Peut-être aussi pour vous encourager. Mettez des pouces. Activez la cloche et tout ça. Quoi. C'est ça. On est des vrais youtubeurs. Attention. D'accord. Est-ce que vous aussi, vous allez souvent au concert voir d'autres artistes ou alors vous enfermez, vous restez avec votre style à vous? Non, vous êtes plusieurs. Hein. Alors le groupe est composé de 6 personnes. Vous êtes 4 ce soir ici dans les studios. Oui. Alors vous avez chacun votre avis. Hein. Peut-être que certains y vont, d'autres non. Je pense qu'on essaye tous d'y aller le plus possible. Après c'est le temps surtout. Ouais, c'est temps, Et puis personnellement c'est vrai que j'essaie d'y aller dès qu'il y a un groupe que j'aime qui passe. C'est souvent sur Paris malheureusement groupes que j'ai pu voir c'était sur Paris, mais c'est vrai que même à Blois il y a des gros groupes qui passent au château d'eau et tout ça. Donc ouais, dès qu'il y a un groupe, j'essaye d'aller les voir, moi en tout cas. Mais après c'est surtout le temps, ouais. Et aussi d'autres groupes locaux, peut-être des groupes blésois, justement. On a des copains, enfin, pour le coup. Déjà, nous trois, ça fait plus de 10 ans qu'on joue quand même dans le coin. Donc, le réseau, on le connaît un peu. Donc, moi, je pourrais aussi... Bon, on a parlé tout à l'heure, en fait, de Valentin, notre bassiste, qu'on partage avec un groupe qui s'appelle Freaky Beast, qui est très, très, très, très cool, d'ailleurs. Enfin, je vous invite vraiment à aller écouter Freaky Beast. Ils sont de mer, en fait, tous les quatre. Ils se sont rencontrés au lycée, pour le coup. D'accord. Je crois, si je dis pas de conneries, ils sont tous rencontrés au lycée. Hein. Et eux, ils sont vraiment sur un rock alternatif, vraiment années 90-2000. Et franchement, ça sonne super. Ça fait un petit moment qu'ils tournent, pour le coup. C'est très cool. Ils ont bien évolué. Ils ont sorti un EP, je crois, l'an dernier. Ils sont en train de préparer un album. C'est Enfin, là, pour le coup, si je dois envoyer un petit peu le coup de projecteur, ce serait sur eux, quoi. Vraiment, c'est d'accord. Ouais. Très bien, donc c'est la première fois que j'entends parler, mais peut-être un jour viendront-ils dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter leur travail. Alors, voilà, oui, il n'y a pas de souci, hein. Comme ça ils me contactent, et puis on cale une date, et puis ils viennent ici en parler, puisque vous dites que du bien d'eux. Donc c'est forcément, les meilleurs groupes viennent dans l'émission Mavrika, donc il faut pas hésiter à me contacter. Et il y en a pas mal qui sont en attente, hein. Alors certains se posent des questions, ils me disent, ouais, dis donc, il ne m'a pas encore contacté, parce que j'essaie de caler, donc j'attends des réponses de certains, si c'est bon, c'est bon, si c'est pas bon, je propose les dates à d'autres, donc c'est pour ça qu'il y en a certains en liste d'attente, mais ça va venir, donc j'ai toujours quelques semaines d'avance, hein, vous inquiétez pas. Bon, et puis je vais pas faire comme je faisais avant le Covid, j'avais 6 mois d'avance, et puis quand il y a eu le Covid qui est arrivé, boum, 6 mois, il a fallu tout annuler, recontacter tous les groupes pour leur dire, je suis désolé, mais ça va pas pouvoir se faire, etc. Donc, allez, 1 ou 2 mois, ça suffit amplement, et puis on a le temps de voir venir, et puis l'important, c'est que les gens viennent ici et qu'on découvre leur travail. Un autre coup de projo que j'aimerais bien mettre, moi, à titre personnel, c'est les copains de Scandale, aussi, qui sont sur Romorantin et sur Blois, qui font vraiment, en fait, un espèce de rock glam très, très, très énervé, pour le coup, que j'invite vraiment tes auditeurs à aller voir. Ils ont une actu assez remplie, pour le coup. Ils ont fait un Minotaur à Vendôme il n'y a pas si longtemps. Ils ont fait la pyramide Romorantin il y a quelques années maintenant. Et ouais, c'est des chouettes gars, pour le coup. Je les connais assez bien. Et là, maintenant, enfin, ils essaient de tourner un petit peu sur Paris. Et vraiment, là, si vous voulez de la sueur, du cuir, des guitares qui saignent, des trucs comme ça, enfin vraiment, d'accord, là, on est à la croisée entre Motley Crue, Steel Panther, enfin tout ce que vous voulez. Ah ouais, d'accord. Ça se balade partout et c'est très, très, très énervé sur scène, quoi. Non seulement je leur envoie un petit dédicace et puis je les embrasse aussi. Voilà. C'est peut-être un peu plus tout public que Steel Panther, quand même. Ouais, un petit peu plus rassurer tout public, les gens s'ils veulent aller voir. Après, vous êtes en maturant, sera peut-être un petit peu moins tout public, je pense. Est-ce que vous allez voir que des concerts de rock, ou est-ce que de temps en temps vous allez voir des trucs de rap, des trucs de d'électro, ça peut arriver, ou des trucs de musique classique, tout simplement. Il y a plein de jazz, etc. Il y a pas longtemps, je suis allé voir le Lac des Cygnes, tu vois. D'accord. mais concerts classiques, ouais, beaucoup. Après rap, un peu moins. Mmh. Mais c'est si j'ai vu Big Flo et Oli à Tours. Mmh. Si, ça, voilà. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas vu grand chose. J'écoute beaucoup de hip-hop US des années 90, moi, pour le coup. Enfin, j'ai assez peu, j'ai jamais eu l'occasion, en fait, d'aller en voir en concert, pour le coup. Moi, c'est pareil. Enfin, pour le coup, les morceaux que je vais écouter, en fait, ça va être principalement, du coup, des morceaux en anglais. Et j'ai pas souvent, en fait, l'occasion aussi de monter sur Paris pour aller voir des super groupes comme ça, quoi. D'accord, très bien. Ouais. Bon, mais bon. Tu voulais rajouter quelque chose, Léo ? Ouais, la chance qu'on a aussi à Blois, alors je connais moins sur Tours et Orléans, mais on a une très très cool guinguette, justement organisée par la Maison de Bégon. On a cette chance-là, parce que la Maison de Bégon, du coup, c'est pas qu'un lieu, c'est aussi des événements qui s'exportent. On a une super guinguette en début juillet. Et justement, moi j'essaie d'y aller le plus de jours parce que c'est un soir, un thème. Et il y a eu un soir tribute, il y a eu un soir musique du monde, chansons, rock. Il y a une soirée rock. Et c'est très très cool à faire. Ça permet de découvrir plein de choses, d'écouter, voilà. Enfin, c'est une expérience de concert qui est très très agréable. La prog est super, le taf de programmation est super, l'accueil est super. On a eu la chance, en fait, d'y jouer notamment avec Léo dans un autre groupe, justement, un tribute qu'on a ensemble, en fait, qui s'appelle Flowers of Tijuana, du coup, en fait, dans lequel on joue du Carlos Santana, pour le coup. D'accord. Et donc voilà, enfin, Bégon, enfin, comme on dit, c'est des gens avec qui on travaille assez régulièrement. Et là, c'est le deuxième projet avec lequel on bosse, enfin, en tant que groupe. Enfin, moi, je sais aussi que je fais d'autres choses à côté avec eux. Je participe au carnaval. Ils avaient un énorme projet, en fait, qui s'appelait Les Wanted aussi, avec lequel on a fait deux jeux de paume en 2018 et en 2022. C'est vraiment c'est un gros vecteur de projet, la maison de Bégon. Et, voilà. Donc très bien. Bah, ouais. Justement, c'est pour ça, c'est bien d'en parler dans l'émission Mavrica, parce que ça c'est vraiment important. Et justement, il faut encourager tous ces gens qui donnent de leur temps, qui donnent de leur passion, etc. Pour justement faire découvrir d'autres groupes. Et aussi, ça permet aussi de rencontrer plein de gens, quoi. Ouais. Il y a des passionnés, il y a des gens qui aiment la musique, il y a des gens qui vont aller voir ce qu'ils connaissent, et d'autres qui vont être surpris justement de ce qu'ils vont pouvoir écouter. Donc voilà, ça c'est important qu'il y ait des gens derrière pour faire découvrir la bonne musique et les bonnes personnes à d'autres personnes, quoi. C'est ça, ouais. Voilà, c'est le côté vivant, le côté humain qu'on aime bien aussi, les rencontres, les échanges, toutes ces choses là donc bravo en tout cas pour les gens qui s'occupent de la maison de Bégon. Gros taf. Ils le méritent, vraiment ils le méritent, ils sont super. Très bien. Donc il y a aussi des vous connaissez aussi sûrement les Sonic Lag. Ils ont joué justement en fait sur notre plateau à la fête de la musique la dernière fois. D'accord. Ils ont ouvert le bal avec le public blésois. D'accord. Ouais, les Red Daff aussi, puisque Talsy, etc. Le Red Daff, plein de gens qu'on connaît, des gens qu'on apprécie beaucoup aussi. Et justement, tiens, je suis en train de regarder. Alors, j'avais sorti mes notes tout à l'heure, j'ai vu ça. Et sauf que là, maintenant, je les cherche, je le trouve plus. alors, j'ai plusieurs petites feuilles avec des notes. Et je vais essayer de les retrouver. Et ben là, je ne retrouve plus. Ben, il me manque une feuille, et c'est celle-là. Ben voilà. On va leur attendre. On peut vous proposer une musique d'ascenseur en acapella. voilà. Donc, ce qui fait qu'on va parler justement. Tiens, alors là, j'ai les groupes qui vont participer au prochain Mavrica Live. Alors le Mavrica Live, il aura lieu le 19 avril, et il y aura trois groupes. Plus un groupe en interscène, donc trois groupes sur la grande scène, plus un groupe en interscène. Et sur la grande scène, il y aura Azen Blues, donc un groupe de blues. Si vous, ils seront nous invités la semaine prochaine, justement. Okay. Donc ils viendront ici parce que je les ai pas encore reçus, mais par contre je connais un petit peu ce groupe-là. Donc ils viendront ici pour nous présenter leur travail. Ils participeront donc au prochain Mavrica Live. Il y aura The Cross Band. Je sais pas si vous connaissez le Cross Band. Donc avec notre ami Mousse, avec Jean-Marc, avec voilà des gens qui faisaient partie d'autres groupes, qui avaient un peu mis la musique de côté et qui reviennent en formant ce groupe-là. Donc c'est du rock. Il qualifie de rock australien. Donc pour ceux qui aiment la musique rock australien. Et les Deep Turtle, je sais pas si vous connaissez ça. Ça n'a rien à voir avec Deep Purple. C'est juste pour rigoler. Ouais. Par contre, ils font de la musique des années 90. Okay. Parce que c'est la musique qu'ils ont découvert, parce que ils sont jeunes. Mmh. Ils ont découvert donc le rock dans les années 90. Et avec des groupes, parce que c'est vrai que c'est pas la décennie la plus riche en rock, mais il y avait des très bonnes choses quand même. C'est vrai qu'on pense au rock, on pense aux années 60, 70, 80 un peu moins, c'est plus les années disco, etc. Et pourtant il y avait des bonnes choses aussi. Dans les années 90, c'est vrai qu'on pense à d'autres choses, alors qu'il y avait aussi des bonnes choses. Rage Against the Machine, les Guns, le gros de leur carrière c'était dans les années 90. C'est vrai qu'on oublie un peu ça. Et eux, c'est aussi Nirvana, les Smashing Pumpkins, bons groupes. Et quand on écoute les morceaux, on dit c'est vrai qu'on les a un petit peu oubliés. Et c'est bien qu'ils les remettent justement au goût du jour. Et en plus, ils interprètent ça super bien. Donc il y aura ces trois groupes là sur la scène, et il y aura en interscène Chris et Phil. Du coup, donc Chris, il aurait dû être avec Léo, mais Léo est déjà pris. Il avait aquaponé ce jour-là, donc il pourra pas venir. Et donc il y aura Phil. Et tu connais Phil? Oui. Oui, carrément, c'est... Parce que c'est vrai qu'il m'a donné Chris et Phil, voilà, pour l'occasion. Ouais, mais je sais pas qui c'est. Et ouais, plusieurs personnes m'ont demandé, mais c'est qui Phil? Bah, c'est, ça fait partie des copains de Chris, justement, qui font, ils font de la musique, mais voilà, un peu plus, pas forcément de projet, mais ils ont joué ensemble, je crois, s'il y a longtemps. Il me semble, si je dis pas de bêtises, d'accord, et j'espère que je vais pas dire de bêtises, il y a un moment, ils avaient un groupe qui s'appelait Canal 4. Et voilà. Et en fait, avec Barricade et avec Chris et Léo, on joue encore des morceaux de Canal 4. Il y en a quelques-uns, ça date de ce moment-là. Et du coup, voilà, ils ont joué plusieurs fois ensemble et ça date un petit peu, mais ils sont encore très très proches. Et je pense que là, pour l'occasion, ça, du coup, Chris, lui, il a envie de jouer et ça l'embêtait de dire non à une belle occasion comme ça. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'embête. Hein. C'est vraiment En plus, il y a quand même une histoire avec le Marika Live et le groupe Barricade. Parce que le groupe Barricade a déjà joué dans un Mavericka Live et ils ont été prévenus une semaine avant l'événement. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, bah, j'avais plusieurs groupes et il y en a un qui s'est désisté. Ah, oui. Et il y en a un autre où le chanteur a eu un infarctus. Ah. Donc on se demandait s'il allait... Je me suis dit, bah, attends, on a annoncé quatre groupes, on va se retrouver avec deux. Là, ça va être problématique. Ah, oui, oui. Alors je me suis dit... Il faut qu'on trouve un groupe. Et puis, j'ai pensé tout de suite à Barricade. Et j'ai appelé Christophe. Il m'a dit, écoute, je contacte les autres. Ici, c'est OK. Dans la demi-heure, j'aurai une réponse. Il m'a dit, OK. Et donc, moi, j'étais super content de les recevoir. Et du coup, les Shaking Mets ont pu venir quand même parce que le chanteur s'est remis. Et donc, du coup, on a eu quatre groupes quand même. Et on a passé une bonne soirée. Ouais, et donc, c'est vrai que le groupe Barricade m'avait enlevé une bonne épine du pied. Bah, ouais. Donc, c'est un groupe que j'estime beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai repensé un petit peu à eux avec Chris et Léo. Et justement, le groupe Barricade, il est un peu en stand-by ou qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pas vraiment, en fait. Il y a eu un peu de changement dans les membres du groupe. Ouais. Parce qu'il y a eu des arrêts, des départs, tout ça. Du coup, on a retravaillé. Maintenant, on est quatre et on retravaille un peu le set et on essaie de beaucoup composer. Et en fait, le but, c'est que le prochain concert qu'on fait, c'est d'essayer d'arriver avec des nouveaux morceaux. C'est plus ça l'objectif maintenant. De repenser un peu la setlist, de repenser le concert pour arriver avec une, pas une nouvelle formule, mais voilà, un renouveau, quoi. D'accord, mais il y a quand même des morceaux qui ont bien fonctionné, que vous allez reprendre quand même. Oui, on change pas tout. Hein. Vous changez pas tout. Là, c'est pas. Il y aura Barricade 1, Barricade 2. Non, non, c'est, non, du tout. C'est la continuité. Non, l'idée, voilà, c'était de le prochain concert d'essayer d'avoir. Alors, on a quelques concerts de prévus. Là, on va rejouer un petit peu. On joue le 6 avril, il me semble. Si c'est un dimanche, ça doit être cette date-là. Parce que c'est quelque chose qu'on fait en général tous les ans. C'est le marathon de Cheverny. Parce qu'on aime bien jouer pour le marathon, comme ça on joue, il y a des gens qui courent, et c'est quand même plus facile de jouer, parce que les gens galèrent. Mais voilà, on va reprendre les concerts tranquillement, avec des nouveaux morceaux du coup, cette nouvelle formule. D'accord. Alors, j'suis en train de regarder justement à propos des dates, parce qu'il y a aussi tout à l'heure, on a eu notre ami Christophe qui fait partie du groupe Prisma, qui est le guitariste et qui organise aussi le Creek Fest. Et justement, il fait partie de l'association Creek for Zik. Et le Creek Fest, justement, il aura lieu le samedi 5 avril 2025. Donc c'est le Creek Fest numéro 4, et il y aura quatre groupes. Sur la scène, il y aura le groupe King Crown. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est un groupe de heavy. Ouais. Stratagem, le groupe Stratagem, un groupe de hard. C'est écrit en dessous. Hein, donc je lis bêtement ce qu'il y a écrit. Il y aura le groupe Benzine, un groupe de la région orléanaise. On a déjà diffusé quelques morceaux. Ils ne sont pas encore venus dans les studios. Mais clin d'œil à Rammstein, je vois. Là, Benzine, éventuellement, je crois que c'est un titre de Rammstein. Ah, peut-être, ouais, c'est peut-être... Le nom du groupe m'a dit quelque chose. Donc on a déjà diffusé des morceaux de ce groupe-là. Il n'est pas encore venu dans les studios, mais ça ne saurait tarder. Je pense qu'ils vont venir dans pas très longtemps. Donc c'est du rock, hein, simplement. Voilà. Comme nous. Comme vous. Rock, voilà, c'est l'art. Et le groupe Prisma, donc avec du hard. Donc ça sera le samedi 5 avril 2025. Et après, l'ouverture des portes à 18h. 30, hein. Donc il y a eu 4 groupes sur la scène et ça se passe, je suis en train de rechercher, salle Espace Loire à Cléry-Saint-André. Voilà, donc j'espère que vous avez tout noté. Et puis, si vous n'avez pas noté ça, vous pouvez aller aussi sur la page Facebook de le nouvel agenda de Mavrika. Et dessus, vous retrouverez toutes les dates des concerts. Au fur et à mesure, je les mets là. Et donc, vous pouvez aller les consulter sans aucun problème. Trop bien. Je peux aussi annoncer autre chose. Alors, c'est en exclusivité. Hein. Donc, j'ai annoncé tout à l'heure, le 19 avril, il y aura le Mavrika Live numéro 14. Et le numéro 15 aura lieu le 25 octobre. Et nous avons déjà les trois groupes sur la scène. Donc, et tout à l'heure, on a parlé justement des copains et des gens qu'on aime bien. Mm-hmm. Il y aura le groupe Red Daff. Okay. Il y aura le groupe Sonic Lag. Okay. Et il y aura aussi le groupe BRS. Je sais pas si vous connaissez. Ah non. Non. Alors, franchement, je les ai reçus dans le courant de l'année 2024. Et j'ai été une belle voix, des musiciens super au top. Donc, BRS, ça veut dire blues, rock, soul. Et c'est vrai que leurs morceaux sont super bien interprétés et j'avais envie de les faire jouer. Ils tournent beaucoup, hein, ils font beaucoup de concerts et ils ont accepté de venir donc pour le prochain Mavrika Live le 25 octobre. Donc il y a pas mal de bons groupes et puis on va essayer de continuer au fur et à mesure. Mais pour ça, il faut que les gens se déplacent, qu'ils viennent au concert parce que le problème aussi c'est qu'on a une très grande salle et il faut aussi qu'il y ait du monde parce que si la salle est vide, c'est un petit peu dommage et les groupes viennent jouer gracieusement parce que nous on n'est pas des organisateurs de concerts, on fait simplement jouer. On a la chance d'avoir cette grande salle à disposition, on s'occupe de toute l'organisation, la sonorisation, les assurances, SACEM, tous les trucs, tout leur gars. Et après les musiciens ils viennent simplement interpréter leurs morceaux et passer un bon moment tous ensemble, c'est ça le plus important. Voilà. Oui, donc aller voir des concerts, c'est important. D'autres concerts peut-être que vous avez vu, que vous avez envie de citer, non? Je me baladais un soir dans les rues de Blois parce que je voulais aller place Louis XII pour voir un concert de Kérosène. Kérosène. Ah oui, d'accord. On parlait de benzine tout à l'heure, Kérosène, diesel, etc. Et du coup, j'ai été voir un petit peu parce que, alors, je connais surtout le batteur parce que on est collègues. D'accord. Et voilà, après, donc c'est très très sympa. Et après, en repartant, je suis passé devant le Ben Blues Bar. Et il y avait un groupe qui s'appelait Alice Animal. Et j'ai trouvé ça très très cool. Et c'était un trio de rock féminin. C'est chant en français et tout. Et vraiment super bien. J'ai été hyper surpris de... Enfin voilà, je suis vraiment par hasard découvert ce groupe-là. Vous pouvez aller voir, je trouve ça vraiment super. D'accord. Tu rappelles le nom, c'est... Alice Animal. Alice Animal. Ouais. Très bien, donc voilà, moi, encore un nom que je découvre. C'est ça qui vient dans l'émission Mavrika, c'est qu'à chaque fois on en découvre d'autres. Local, hein. C'est pas un groupe local. Non. Mais bon, des fois ils viennent faire des concerts dans le coin. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'interviewer des groupes, même de les recevoir ici. Des groupes qui viennent de loin. Par exemple, tout à l'heure, je regardais sur la liste, il y a notre ami. Je cherche. Alors, Max de Giovanni, voilà, qui vient de Biarritz, Bayonne, il est du coin de là-bas et il vient régulièrement sur Orléans pour faire des concerts. Et à cette occasion-là, on se cale une date et il vient aussi dans l'émission Mavrika. Et c'est pas le seul, il y en a beaucoup qui font comme ça. Donc, souvent ils me disent, voilà, est-ce qu'il y aurait pas possibilité de faire un concert dans le coin? Donc, je les mets en relation avec d'autres personnes. Alors, ce qui est pas évident, hein, sur Orléans, il y a pas beaucoup de salle pour faire jouer les groupes. Et quand il y a une date qui est calée, souvent c'est le samedi, le vendredi ils viennent un peu plus tôt et puis ils passent dans l'émission Mavrika et comme ça on parle de leur événement le lendemain et comme ça ça fait venir un peu plus de monde, quoi. Simplement. C'est précieux. Voilà. Donc voilà pour les concerts, je pense qu'il y a pas mal, on pourrait s'étendre beaucoup plus, mais bon, priorité quand même au groupe Siragis qui est notre groupe invité de ce soir. Très bien, on va continuer peut-être dans la programmation parce qu'on parle beaucoup. Ouais. Alors tout à l'heure on a calé encore un autre groupe. Alors qui c'est qui nous en parle du prochain groupe? Dans l'ordre, corrigez-moi, je crois qu'on a mis les Creedence. Ouais, c'est ça. Et c'était moi qui choisis. Voilà. J'aime bien. Donc c'est Léo. Assumer le côté un peu vintage. J'aime beaucoup Creedence, je trouve que c'est le travail qu'ils font sur sur tous les arrangements, les mélodies et puis les prises de studio, elles sont pas mal, sachant que je crois que c'est du live aussi, c'est ça. que tout le monde joue en même temps, on met les micros et puis ça fait le morceau. c'est hyper balèze, quoi. Enfin, ils ont fait plein de morceaux. En fait, j'ai réécouté pas mal leur album. À un moment, j'ai eu le temps de tout réécouter, et à chaque fois, je me dis, ah ouais, ça doit être leur morceau le plus connu, ça me parle et tout. Puis, deuxième, ah, mais lui, il est vraiment hyper connu. Ouais. Et en fait, dans chaque album, il y a forcément un tube énorme. C'est ça, ouais. Mais je sais que ce groupe-là, justement, c'est un groupe que j'ai découvert assez tard. Pourquoi? Parce qu'en vérité, je le connaissais déjà. Et quand on m'a parlé de ce groupe-là, effectivement, j'écoutais, bah oui, mais je connais. Mais je connais. Effectivement, non, c'est ça. Il y a des groupes comme ça qui nous ont marqué, et sans pour autant qu'on ait retenu leur nom. Oui, c'est ça, il y a des groupes comme ça. On découvre le nom beaucoup plus tard. Les Creedence, en fait, notamment, tu vas beaucoup les entendre aussi dans des bandes son de films. Forrest Gump, je crois qu'ils en passent au moins 2-3 déjà dans la bande son de Forrest Gump. Et moi, c'est comme ça que je les ai découverts, en tout cas. Très bien, on va les écouter tout de suite. Comme ça, les auditeurs qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce groupe dont ils parlent? Qu'est-ce que c'est? Et ils vont dire, oui. J'ai pas pris le plus connu. T'as pas pris le plus connu. Donc, les Simpsons, ils disent que c'est de la musique de routier pour faire de la route. Et je trouve que c'est un peu vrai. Il y a ce côté américain, il y a ce côté. C'est de la musique à écouter, le soleil couchant. C'est ça. À travers le bayou. C'est ça. C'est parti, on écoute tout de suite. I was on touchez pas au bouton de votre poste de radio, vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. C'est vrai que c'est étonnant, mais la musique assise comme ça sur dans l'émission Mavrika, pourquoi pas, quand c'est de la bonne musique, c'est de la bonne musique. Mmh. Et donc on vient d'écouter un morceau de Mozart, carrément. Ouais, le rockstar de quel siècle déjà, du 18e, hein, c'est ça. Hein. 7e siècle, Mozart. Oh là là, je ne sais plus, je ne dirais pas de bêtises. Pour tous les gens fans de classique, je ne sais plus. Mozart, c'est classique, donc. Ouais, c'est classique. Donc, le titre qu'on vient d'écouter s'appelle Lacrimosa. Qui est issu du Requiem en ré mineur. D'accord. Voilà. Donc c'est lui-même qui avait enregistré il y a quelques années déjà. Hein. Exactement, il avait enregistré il l'avait gravé sur un disque vinyle. Il n'avait pas le matériel, mais il avait pas le matériel. Il a enregistré juste après les Beatles. Ça a été réinterprété, bien entendu. Ouais. Voilà. Donc voilà un superbe morceau, en tout cas super puissant. C'est vrai que quand on va à un concert de musique classique comme ça, ou quand c'est interprété comme ça a été interprété là, vous avez une idée du groupe, de l'orchestre qui a interprété ce morceau-là là, à l'instant? Je crois que ce sont les Allemands. Enfin, je crois Allemands. Que c'est pas la version la plus connue. Je crois que c'est le Philharmonique de Berlin. De Berlin. Oui, il me semble que ce sont les Allemands. Ouais. C'est ça. Ouais, je crois que c'est un enregistrement qui date des années 70, à peu près vers la fin, peut-être un 76 ou 78. Mm-hmm. S'il y a des aficionados du classique qui nous écoutent, vous pouvez m'insulter en commentaire si je me trompe. Voilà. Bon, on n'est pas des spécialistes, mais quand on aime la bonne musique, même si je me trompe pas. Et puis la particularité, quand on voit le son qu'il y avait à cette époque-là, et la particularité aussi de la musique classique, c'est qu'on enregistre avec des micros qui sont suspendus. Oui. Et donc c'est un truc d'ensemble. On va pas capturer le son de chaque instrument et remixer comme on le fait aujourd'hui. Par pupitre, vraiment. Il y a un micro au-dessus des violons 1, au-dessus des violons 2 et tout ça. Et donc, on va faire un mix de tout ça. Et après, il y a aussi la résonance de la salle. Hein. Ouais. Donc, tout ça, ça s'entend. Et franchement, moi, j'ai écouté au casque. Là, c'est super agréable. Hein. Très bien. C'est somptueux. Juste avant, c'était un petit jeune, donc je sais pas si ça va marcher. C'est George Harrison. Voilà. Petit jeune George Harrison, vous avez reconnu, un ex Beatles, avec Ballad of Sir Frankie Crisp. Crisp, ou Let It Roll, du coup, voilà. D'accord. Moi, c'est vraiment un de mes morceaux préférés, je trouve. Enfin, c'est l'un des plus beaux morceaux qui a été écrit, en fait, clairement, dans l'histoire des musiques actuelles. Et moi, perso, vraiment, je considère George Harrison comme le meilleur des Beatles. Voilà. C'est lâché. J'ai une grosse admiration pour McCartney, franchement. Enfin, pour le coup, il a fait des super trucs en solo, il a fait des super trucs chez les Beatles. Mais George, c'était vraiment le mec très discret, en fait, dans le fond, comme ça, en fait, à qui on laissait pas la parole. Et le type, ce qu'il a amené, en fait, clairement, à partir de la deuxième phase, enfin, pour le coup, la phase plus studio chez eux, c'était formidable ce qu'il amenait. Et clairement, quand il a commencé sa carrière solo, je crois qu'il a foutu une claque aux trois autres, quoi. Il a sorti son premier album, How Things Must Pass, franchement, cet album, c'est un bijou, quoi. Super agréable, en tout cas, à écouter. Et c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à oublier. Aujourd'hui, dans les radios, on a du mal à écouter George Harrison. Heureusement, l'émission Mavrika est là pour le diffuser. Et le groupe Siragis, qui a choisi la programmation de ce soir. Ouais. En tout cas, il nous fait découvrir plein de choses et redécouvrir, parce que c'est des morceaux qu'on connaît en même temps. Mm-hmm. C'est des référents. Et on se fait plaisir à réécouter des très bons morceaux, en tout cas. On passe une très bonne soirée. Et le temps défile très, très, très vite. On a déjà attaqué la dernière heure, et on a encore plein de choses à découvrir. On a déjà écouté aussi deux titres de Siragis, donc le groupe que vous représentez ce soir, et il nous en reste encore un à découvrir. Voilà. Si on a du temps, on repassera aussi, on repassera le premier titre peut-être à la fin de l'émission. On va se le garder pour la fin, comme ça on se quittera dessus, comme ça. Et comme ça, on va habituer les auditeurs à connaître vos morceaux aussi, ça c'est important. Ouais. Donc les morceaux qu'on a écoutés ce soir, on pourra les réécouter dans les prochaines émissions aussi, ça c'est important. Et puis de temps en temps, je fais aussi des émissions où il n'y a pas d'invité. Pourquoi? La raison, c'est que chaque fois que j'ai des invités, c'est la priorité aux invités, et souvent les autres artistes, je les diffuse pas trop. Et donc de temps en temps, je suis tout seul dans les studios et là je bombarde au maximum avec tous les morceaux que les artistes m'ont laissés. Donc merci pour les morceaux que vous m'avez laissés ce soir. En tout cas, on les repassera avec beaucoup de plaisir. Et franchement, le retour que j'avais tout à l'heure de Christophe m'a dit c'est super super agréable à écouter, super bien. On passe un bon moment à écouter l'émission Mavrika. C'est ça, Et c'est vrai que le connaissant, il aime plus le rock que par exemple l'émission de la semaine dernière où c'était de la soul et du reggae avec Luce Tolassi. Mais il m'a dit non, mais c'était une bonne découverte aussi. Et franchement, dans l'émission Mavrika, on a cette chance-là de pouvoir découvrir des choses complètement différentes et de faire des émissions complètement différentes d'une semaine à l'autre. Voilà. Christophe, que j'embrasse pour le coup, parce que je pense que du coup, il le sait pas, mais... Vous connaissez. Ouais, on se connaît. Donc, Chris, si tu m'écoutes, j'étais ton voisin de stand à au Rock'n'Roll à Talcy. Voilà. D'accord. Il y a, du coup, je crois que c'était il y a un an et quelques poussières pour le coup. Ouais, donc c'était au mois de septembre, c'est ça Ouais, c'était ça. Ouais. J'étais son voisin et il était super sympa avec moi. C'était ma première brocante et voilà quoi. Donc je l'embrasse. Très bien. Donc Talcy, c'est organisé par les Red Dap. Ouais. À Talcy. La prochaine date, elle est déjà annoncée. Je crois que c'est au mois de septembre une fois. Chaque fois, c'est en septembre. En septembre. Ouais. Ouais. Et donc allez-y. C'est l'occasion de rencontrer plein de musiciens. Il y a plein de gens là-bas que je vois passer. Ce sont beaucoup de musiciens. C'est un peu le rendez-vous. Et puis c'est aussi l'occasion d'acheter du matériel d'occasion, d'en vendre aussi, de discuter. Et puis il y a aussi des concerts. Puis le cadre est super. Dans la cour du château de Talcy, c'est très très chouette, vraiment très très chouette. Très bien, on en reparlera d'ici là, parce que c'est au mois de septembre, on a encore le temps d'en parler. Mais un très bon événement auquel j'ai assisté plusieurs fois, sauf l'année dernière, parce que j'étais en vacances à ce moment-là, donc j'ai pas pu assister. Et puis c'est vrai que dernièrement, je prends mes vacances un peu en septembre, donc c'est un petit peu compliqué. Mais j'y étais pas mal de temps et on avait un stand de Mavrika aussi, donc à chaque fois on va là-bas et puis on rencontre plein de gens qui sont passionnés par la musique. Ouais. Et c'est ça le plus important. Voilà, donc un petit clin d'œil donc à nos amis des Red Daff, qui c'est un groupe et c'est aussi une association. Et c'est une association, c'est ça. Très bien. On voulait aussi parler un petit peu de technique, c'est ça, au niveau des enregistrements et tout ça. Alors qui c'est les techniciens là? C'est moi. C'est moi. Ouais. Il est là. Donc, comment ça se passe avec le groupe Syragis pour les enregistrements? Alors, du coup... Mal. Très mal, toujours très mal. Ils font n'importe quoi, non, c'est horrible. On a pu enregistrer... On a déjà fait quelques petits tests pour les répétitions, des choses comme ça. On enregistre à peu près toutes les répétitions pour que chacun puisse travailler chez soi. Et puis pour ce qui est du studio, du coup, c'est chez moi. Donc, t'as ton studio chez toi. J'ai mon studio d'enregistrement, donc Studio Box, ça s'appelle. D'accord. C'est bien d'en parler justement. Tu enregistres aussi d'autres groupes? Oui, bien sûr. J'ai mon entreprise en fait que j'ai créée il y a peu de temps, il y a quelques mois, peut-être 3-4 mois. Et donc je fais du studio et surtout du live. Je suis technicien son en live et je suis pas mal de groupes en live et en studio. Ouais. D'accord, c'est bien ça justement. Il y a souvent des musiciens. C'est vrai que je peux me vanter d'avoir parmi les auditeurs pratiquement tous les musiciens de la région orléanaise et la région centre, on va dire même comme ça. Et c'est vrai que souvent ils se posent des questions et c'est pour ça qu'on aime bien citer tous les studios qui existent parce que chaque studio a un peu sa couleur, sa spécialité. Ouais. Donc toi, c'est plus le live alors vraiment la capture. Ouais, je suis quand même très live, mais voilà, j'ai quand même mon studio d'enregistrement j'en fais beaucoup. Et c'est très qualitatif. Très versatile, ce jeune homme. Très bien. Et est-ce que c'est toi qui vas enregistrer le prochain album Alors là. Le prochain vinyle, cassette VHS. Déjà, on regarde si ça se passe bien. Ouais, le concert du si j'accepte. Il est en période d'essai pour l'instant, mais en CDD. C'est ça, le cachet n'est pas encore négocié, c'est très clairement un CDI. Clairement, ne cherchez pas à nous le piquer parce que vraiment, on va se mettre en colère. Il nous est très précieux. Ouais. D'accord, on va essayer de pas le. Non, certains vont vouloir se l'accaparer et puis. Et c'est mort. Voilà. Ah, si vous cherchez un studio ou un texon pour du live ou pour du studio, bah voilà. C'est, non mais on peut aussi le dire comme ça. Ouais, comme ouais. Ça, tu pourras avoir le plus offrant, hein, parce que par exemple, si quelqu'un t'offre beaucoup plus, ça peut être intéressant aussi. Bah beaucoup plus que Siragis, oui, je ouais, parle. Ouais, parce que Siragis, ouais. Non, parce qu'il y a un côté humain dans Siragis. Ouais, c'est très humain. Non mais on le comprend, Très voilà. Bien. Je fais pareil. C'est pour blaguer, hein, mais bon. Il a pas besoin de ses jambes pour faire du son, hein, c'est ça. Et il y a d'autres groupes qui sont déjà passés chez toi. Bah, par exemple Scandale pour du live. D'accord. Scandale. Après en studio j'ai eu quelques artistes solo. Ouais. Mais vraiment tout style. C'est passé du rock au rap. Ouais, t'es pas spécialisé toi. Non, t'es et puis de... pareil des débutants et même bah des pros. Des pros, ouais. Donc voilà, ouais, c'est vraiment très large. Ouais, très ouais, large. Mais des fois, moi c'est comme dans l'émission Mavrika, il y a des gens des fois qui débutent. Hein, on voit qu'ils commencent la musique, ils ont encore des projets. Voilà, c'est un projet qu'ils ont et qui est pas encore tout à fait mûr, mais ils viennent déjà nous le présenter. Et puis après, j'ai aussi des professionnels. Et des fois, la surprise aussi. C'est que justement les petits débutants là au début on rigolait un petit peu en disant voilà ouais ils commencent, il y a encore des trucs un petit peu à avoir et tout ça, et puis 3 ou 4 ans après on les voit et puis on dit ouh voilà, oh ça a progressé. Allez. Et puis aujourd'hui il pourrait même donner des leçons à d'autres, voilà. Donc oui. Comme quoi voilà, c'est il faut commencer un jour, hein, et donc. Oui c'est sûr. Et, ouais, c'est et des fois on passe beaucoup de plaisir, moi je passe beaucoup de plaisir à faire des émissions avec des artistes des fois qui croient vraiment à leur projet, même si au début ils disent voilà on n'a pas encore beaucoup d'enregistrements, on fait en quelques concerts, on veut faire connaître notre groupe et tout ça, et quelques temps après on voit qu'ils ont progressé, on est fier d'avoir participé un petit peu à les avoir fait des connaître, voilà. Donc ça c'est important, c'est très sûr. Bien donc voilà, tu nous as parlé de plusieurs groupes, tu nous as parlé de ton studio, on rappelle le nom. Studio Box. Studio Box. Apostrophe Box. Box. Voilà. Tout simplement. Donc c'est facile à se souvenir. Très bien. Voilà. Donc on a parlé de ça. Donc toi, tu serais capable d'enregistrer un EP ou un album complet. Ouais, ouais, je que, oui. Ouais, d'accord. Vraiment, tu fais des mastering et, aussi. Mastering, mixage, mastering. Ouais. D'accord. Tu fais tout alors de A à Z. Donc voilà, vous avez la bonne. La il bonne fait personne. Très bien manger aussi. Aussi, oh, d'accord. on a eu le nez fin avec Titouan. Ouais, ouais. Super, très bien. Donc on saura que dans les prochains enregistrements justement que vous allez faire, il est derrière. Donc ce sera dans l'ombre. Il sera dans la régie. Il fait partie intégrante du projet. Hein. Titouan, il sera très reconnaissable de toute façon. D'accord. Ouais. Et puis il est là aussi pour les lives. Parce que le son, ça c'est important. Moi je vois par exemple à des concerts, il y a des techniciens qui sont là, qui mettent les enceintes en place, ils font les balances, ils font tous les trucs, ils programment tout comme il faut. Et après il y a souvent les groupes d'un certain niveau, ils ont aussi leur technicien qui vient donner un petit peu, il connaît les morceaux. Il sait les effets qu'ils utilisent, il sait beaucoup de choses. C'est pour ça d'ailleurs donc, que ça les met encore plus en valeur. Ouais. Exactement, et c'est pour ça que je viens à chaque répétition de Siragis. Ouais. Pas seulement pour enregistrer et pour qu'ils aient une trace de ce qu'ils aient fait, mais surtout pour pouvoir vraiment imprimer ce qu'ils ont fait et puis vraiment avoir leur musique puis pouvoir aussi voir un peu le travail qu'ils font quoi en même temps. C'est pas mal. Ouais, et puis le but avec Titouan c'est de développer un son live, c'est vraiment ça, voilà, de développer un son qui est à nous. Et vu qu'il connaît notre musique et qui nous suit depuis qu'on a commencé à jouer ensemble, depuis quasiment les débuts, ça va nous aider à développer ce son-là en live. Donc il est là sur les étapes du studio, il est là sur les étapes du live, c'est notre directeur technique aujourd'hui. Très bien, c'est bien de parler justement de toute l'équipe, parce qu'un groupe, il y a les gens qui sont sur scène et puis il y a les gens aussi qui les entourent. Ouais. C'est très important parce que un musicien ne peut pas tout faire. Tout simplement. Ouais, puis sans lui, on n'a pas de son en façade. En fait. Donc, s'il veut, il mute toutes les pistes et puis il s'en va. Donc, D'ailleurs, s'il veut, il active un bouton, on passe pour des guignols. Voilà, c'est ça. On en parle même. Donc, faut être gentil avec lui. Ça arrive aussi souvent, on va à des concerts et puis il y a un groupe qui joue bien et tout ça. Et puis le son, bon, il passe, et tout d'un coup, il y a un groupe qui arrive, et puis le son, on a l'impression qu'il est, et c'est les mêmes enceintes, c'est les mêmes, ouais. C'est la même sono, et par contre, il y a le petit plus qui fait que le son sort beaucoup mieux, et ouais, parce que, parce qu'il y a un ingénieur qui connaît vraiment le truc, quoi. Donc, et ça, c'est important, donc, c'est pas tout d'avoir du très bon matériel, et j'ai même vu, à contrario, j'ai vu aussi des gens qui avaient du matériel qui était pas, des trucs, incroyables, et qui sortaient un son super nickel. Moi, une fois, j'ai été à un concert et j'étais surpris parce qu'ils avaient des châteaux comme dans les années 70, les trucs avec les caissons de grave et après au-dessus les médiums et au-dessus les aigus, des châteaux. Quoi. À l'époque, c'était comme ça. Et des empilages d'enceintes. Et puis, le son, il était magnifique. Alors qu'on était dans les années 2000, déjà 2000-2010, et le son était super. Et à côté de ça, il y en a qui ont du matériel de fou et le son n'est pas si direct que ça. C'est bien d'avoir du bon matériel, mais il faut savoir s'en servir. C'est comme, comme les guitaristes, ils peuvent avoir la plus belle guitare du monde, s'ils ne savent pas jouer, ils ne savent pas jouer. Ouais. C'est ça. Très bien. On continue à écouter de la bonne musique. Allez. Vous utilisez des pédales, non? Il y a des pédales avec des effets, talent, etc. Talent, endurance, vélocité. Inspiration. Ça n'existe pas, ça. Hein, ça, c'est une blague. Hein. Ça n'existe pas. Pourtant, il y en a certains qui en auraient besoin. Très bien. On ne citera pas de nom ici, bien sûr. Mais... On va écouter le troisième morceau, justement, que vous nous avez apporté, qui a été enregistré. Donc, le groupe Syragis avec un morceau qui s'appelle Butchering the Bully. Ce qui veut dire charcuter le harceleur. Voilà. Charcuter le harceleur. Ouais, ça sonne un peu moins bien en français. Hein. Je sais pas. Gros sujet. Parce que bon, et qu'est-ce qui a inspiré les paroles de cette chanson alors? Eh ben, on peut en parler après. Ouais, d'accord. Bon, on va faire comme ça alors. On écoute d'abord la musique c'est et parti. Après on parle du morceau. Ouais, c'est parti. Walk a mile in my shoes, feel the pressure from the constant abuse. I won't take no excuse, so come closer. Take a look at my bruises, discover them with tattoos that I need measure. Because I have no clues, I just dare and confuse. When I think of these years, I remember when silence speaking silence to me. If I do not take care, I won't stop it when chaos. I won't be sorry when I'm angry anymore. I never again be the fucking lamb I was before. It won't be pretty when I finally set the score. Tell them fuckers we are far beyond the edge of war. As I was told, I shall be starting therapy. I forgive to the one who kicked my body. To tell anyone in the shoulder for me. I'm a fear, I love dogs, watching the body. As I was told, I shall be starting therapy. I forgave to the one who became my body. Need to tell anyone in the shoulder for me. I'm a fear, I love dogs, watching the body. Pleasure to finally meet you again. I don't know, maybe 15 years of anger. Think we should get a pen, let it come to the end. I surrender. From a thought to a friend, let us forgive and then find the treasure. From the thought to the friend and the message we send. When I think of these years, I remember when silence speaks silence to me. If I do not take care, I won't stop it when chaos speaks lessons for me. I won't be sorry when I'm angry anymore. I never reckon be the fucking lamb I was before. It won't be pretty when I finally set the score. Tell them fuckers we are far beyond the edge of war. As I was told, I should be signing therapy. forgave to the one I make a melody. You could tell anyone if they should look for me. I would be on laptop watching the body. If I was told I should be starting therapy, I forgave to the one who make a melody. You could tell anyone if they should look for me. I would be on laptop watching the body. Donc le troisième morceau du groupe invité de cette émission numéro 632. J'espère que ce numéro-là vous portera bonheur, hein, parce que yes, là, ouais. Et ça me rappelle un truc. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Alors moi, il y a un chiffre qui est revenu plusieurs fois. Ouais. Alors une fois, j'avais acheté un t-shirt qui avait écrit 832. Okay. Je sais pas pourquoi 832. Quelque temps après, j'ai regardé la plaque d'immatriculation de la voiture. Bah c'est 6832. Et il y a pas longtemps, j'avais un billet, je sais pas trop quoi, et je regardais 832. Je dis, c'est bizarre quand même. C'est parce que c'est trois chiffres. Voilà, il y a 999 possibilités. Pourquoi le 832 revient assez régulièrement? Donc encore 200 émissions et puis voilà. Donc vous, c'est le 632. J'espère que ça vous portera bonheur pour l'avenir. Et puis après, c'est pareil. Moi, souvent, je vois des groupes et je leur dis, ouais, ça fait un petit moment que vous n'étiez pas venu et tout ça. Ils me disent, ouais, on est venu dans la 500 et quelques. Alors, ils sortent le numéro parce qu'effectivement, je note, je compte toutes les émissions. J'ai commencé comme ça depuis le début. Et donc, c'est pour ça, ça nous permet de savoir un petit peu les numéros. Et puis, grâce au numéro de l'émission, on peut retrouver les affiches, on peut retrouver les photos, parce qu'on va prendre des photos à la fin de l'émission. On peut retrouver le podcast, on peut retrouver tous ces trucs là, donc tout ça c'est archivé sur des disques durs et puis moi je conserve ça. Et quand il y a des lives, eh ben j'aime bien aussi ressortir les lives et puis les diffuser dans des émissions. D'ailleurs dernièrement j'ai diffusé des morceaux de Chris et Léo que vous aviez interprété ici en direct live. Voilà, le temps passe, on vient d'écouter donc le troisième morceau de Siragis. Il nous reste encore des morceaux à écouter. Le prochain que j'ai calé, c'est Halloween. Alors qui c'est qui nous en parle de ce groupe-là? C'est moi. Voilà. C'est moi. Halloween, moi, c'est... Bah, déjà, la dernière fois, quand j'étais venu, j'avais mis un morceau de Halloween. Parce que ça a été vraiment... comment dire? Moi, j'écoutais pas du tout de musique et j'ai commencé la musique vers le collège et enfin voilà, j'ai commencé à écouter vraiment, à forger un peu mes goûts au niveau musique quoi. Mmh. Et Hollywood. Halloween. Je connais un premier. Hein. Ouais. C'était un de mes groupes vraiment où j'ai pendant un moment c'est je crois que je connaissais quoi. Tout par cœur, vraiment tous D'accord. les albums de maintenant je il y a d'autres choses qui sont sorties et il y a je sais pas forcément un jour il y a des trucs que j'ai oubliés mais ouais vraiment un groupe qui a été important enfin voilà, c'est ce qui m'a fait aimer la musique et après qui m'a fait commencer la guitare et voilà. Puis à un moment, je vais me mettre à faire de la musique, je pense. Mais voilà. Ah oui, c'est vrai que bon, moi j'adore la musique, mais c'est vrai que je me suis jamais mis à faire de la musique. Et vous, par contre, vous, il y a eu un déclic. Pourquoi il n'y a pas assez de musique autour? Pourquoi vous avez eu envie de faire vous de la musique? Et sûrement par problème d'ego, je pense. Non, parce que vous aviez vos idées aussi, vous avez des choses à interpréter, à présenter. Ouais, c'est donc ça, voilà, c'est ça. Non, bah moi j'ai commencé très très jeune. En fait, j'ai commencé quand j'avais 5 ans. Et ah ouais, ouais. Enfin, à la base, c'était juste un essai. C'était ouais, l'éveil musical, quoi. Il y a 2-3 ans, c'est ça. Hein, ouais, c'est ça, ouais, à peu près. J'avais pas encore de barbe et des cheveux. Donc voilà. Mais méchant avec toi-même. Et non, en fait, j'ai commencé ouais à 5 ans et c'était juste un test. En fait, ça m'a beaucoup plu. Mmh. Je saurais pas te dire vraiment. Si c'est un moyen d'expression, en fait, vraiment. Tout à fait, ouais. C'est vraiment quelque chose qui me touche. Dans les films, il y a la mise en scène et tout ça, mais vraiment, ce qui va me toucher en premier, ça va être la musique, vraiment quoi. Ça va être vraiment ça. Donc, je pense qu'on peut faire passer beaucoup, beaucoup d'émotions par la musique, quoi. Et donc, c'est vraiment un moyen d'expression hyper important, je pense. C'est universel, international. Ouais. Tout le monde comprend la musique, même si c'est pas notre musique à nous. On écoute ce qui se fait ailleurs. Et puis, ça permet aussi de rassembler pas mal de choses, de personnes. Exactement. C'est aussi un prétexte pour se retrouver et puis boire un coup ensemble. Et puis, voilà, ça, c'est important, ça. Hein. Toujours, bah, donc, toujours boire des coups. Ouais. Il y en a certains, c'est le sport. D'autres, c'est la musique. Mmh. Des fois, c'est les deux. Des fois, c'est ni l'un ni l'autre. Bon, il y a plusieurs choses. Ouais. Mais c'est vrai que la musique, c'est important. Et puis, on dit souvent les phrases à la fin de l'émission. Il y en a une que je vais révéler tout de suite, hein, que je dis à chaque fois pour ceux qui écoutent l'émission, ils les connaissent très bien, c'est une vie sans musique serait une erreur. Ah oui. Exactement, bah oui, c'est, il me semble que c'est Nietzsche qui a dit ça. Oui, tout c'est à ça fait, oui. Mais pour moi, il avait raison, ouais. Franchement, effectivement. La musique est partout, hein, dans les rythmes de notre cœur, dans les pas, dans les choses, ouais, dans les bruits. C'est quelque chose que tout le monde comprend, ouais, comme tu disais tout à l'heure. C'est vraiment, c'est universel, même, voilà. Même si on va dans un autre pays qu'on sait pas parler la langue, on peut toujours jouer de la musique avec les gens. On comprendra ce qui se passe. Quoi. Exactement. Ouais. Ça permet de rassembler les gens, de toute, même si on parle pas la même langue. Voilà, on prend des instruments et puis si on connaît un peu les instruments, on joue ensemble et puis ça permet de partager des bons moments. C'est ça. Très bien, on écoute le morceau d'Halloween qui s'appelle Kids of the Century. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est parti. Fire! Halloween Kids of the Century, donc un morceau choisi par Léo du groupe Siragis. Ce soir, ce sont nos invités et on passe un bon moment avec eux. Et puis c'est vrai que le temps passe très, très vite et là on arrive au dernier quart d'heure et on se dit voilà, est-ce qu'on a tout dit, est-ce qu'on a toujours la hantise. Ça m'est déjà arrivé de faire des émissions et puis arriver à la fin et puis rentrer chez moi et je dis on avait dit qu'on parlerait de ça, on avait dit qu'on passerait ce morceau là et on a sapé parce qu'on a tellement été pris par le temps. Donc là je pense qu'on a quand même bien présenté le groupe, on a passé les trois morceaux que vous avez enregistrés pour l'instant, en attendant les autres qui vont venir prochainement. Oui. Donc on peut vous retrouver sur le site internet, on peut vous retrouver sur Facebook, on peut vous retrouver sur TikTok, YouTube, etc. Siragis, on tombe directement sur vous, il n'y a pas de souci. C'est ça. Insta, il me semble que c'est Siragis Oasis. Siragis Oasis. On a fait d'accord. un partenariat avec la boisson d'enfant. Non, avec le groupe, non, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. On a fait les deux en même temps. Non, c'est Siragis tiré du 6 ou du 8, point, je sais plus. C'est un point. Siragis.oasis, voilà. Mais ça, même sur. On peut retrouver direct sur le moteur de recherche. C'est ça. Il y a notre logo et tout ça. D'accord. C'est quoi le logo? C'est Siragis écrit en lettres orange. Ouais, et avec un S à l'envers, c'est ça. Il y a cette particularité. Ouais. Ouais, voilà, c'est bien de le dire aussi parce que justement il y a l'affiche de l'émission hein, qu'on avait fait et je voulais aussi remercier justement une personne. C'est la personne qui a fait la deuxième affiche, celle qui est en bleu. Vous savez, celle qui représente l'émission Mavrika. Alors voilà, on va la retrouver ici. Voilà. Donc ça c'est l'affiche qui est faite par Georges, qui est notre webmaster de Radio Arc-en-Ciel et il est au Portugal et donc on communique. Je lui envoie les données, il cherche un peu les images et tout ça. Et donc après, il nous fait une petite affiche qui est sur le site de Radio Arc-en-Ciel, tout simplement, et aussi sur le Facebook de l'émission de Radio Arc-en-Ciel. Merci Georges. Et puis, ça nous fait plaisir, voilà. Comme ça, c'est un petit peu original aussi. Et ça, c'est vraiment le truc officiel de Radio Arc-en-Ciel. Et on va remercier aussi notre ami Florent qui fait les podcasts de l'émission. Donc les émissions sont enregistrés par un auditeur, un fidèle auditeur. C'est notre ami Florent qui est chez lui, qui enregistre les émissions et qui les reposte après sur un site. Et il met le lien sur groupe de podcast de Radio Arc-en-Ciel. Et moi, je repartage le lien quand c'est l'émission Mavrika sur le Facebook. Donc, vous pouvez très bien réécouter cette émission. L'écouter si vous l'avez loupé, hein, parce que si vous êtes au concert, vous êtes pardonné. Hein, mais par contre, il faut réécouter l'émission après en podcast. Aussi la télécharger si vous voulez la conserver et puis moi je la télécharge aussi pour récupérer justement les lives quand il y a des lives parce que c'est important et comme ça tout est stocké et on peut donc retrouver cette émission numéro 632 consacrée à Siragis. Donc merci Florent, je voulais aussi remercier parce que c'est vrai que j'oublie un petit peu de temps en temps, c'est qu'on est sur Radio Arc-en-Ciel, c'est une radio associative et c'est tous les gens sont bénévoles ici. Et donc je voulais remercier toute la direction de Radio Arc-en-Ciel de nous permettre de faire cette émission déjà depuis 15 ans. Bravo, parce que c'est une des dernières radios comme ça qu'on peut dire encore libre. On a le droit de vraiment diffuser ce qu'on veut en respectant bien sûr certaines règles. Le but de l'émission Mavrika, c'est de présenter les groupes, leur travail et de les faire connaître au maximum. Et Radio Arc-en-Ciel me laisse carte blanche depuis déjà 15 ans. Et donc, c'est très important. Et en plus, ce sont des gens qui donnent beaucoup pour la musique, pour la rencontre des gens et tout ça. Donc, il faut les mettre en valeur aussi. Merci Radio Arc-en-Ciel de nous permettre de faire cette émission depuis 15 ans déjà. Voilà. Merci tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Ça, c'est important. Il y a notre ami Antoine Gauthier qui nous met un petit j'aime donc du groupe Red Taf que vous connaissez sûrement. Voilà, des gens qu'on connaît. Donc n'hésitez pas à aller sur le Facebook hein, c'est vrai que vous pouvez mettre un petit cœur, un petit j'aime et puis aussi nous mettre des petits commentaires même si c'est après l'émission. De toute façon, le Facebook il est ouvert tout le temps. Et donc on va aussi annoncer pour la semaine prochaine, nous allons recevoir ici dans l'émission numéro 633 et 634, nous aurons donc la semaine prochaine le groupe Azen Blues qui participera au prochain Mavrika Live. Et nous aurons aussi la semaine d'après le groupe Raskas. Vous connaissez, non? Le nom me dit quelque chose. Depuis tout à l'heure, je cherche, mais... Je l'ai entendu, mais ouais, je c'est, pas, c'est des groupes récents, pas. Donc pour l'instant j'ai pas encore grand chose sur eux. Bon, ils m'ont contacté, tout ça, donc on va voir, on va les découvrir dans l'émission Mavrika, oui. Et puis on va continuer de les suivre. Hein, ça c'est le but aussi. Alors des fois c'est des groupes que je connais, donc je sais exactement ce que je vais faire, etc. Et aussi des fois je découvre en même temps que les auditeurs. Donc comme ce soir, hein, Siragis, c'est vrai que vous m'avez apporté des morceaux enregistrés sur une clé USB, on les a diffusés, je les ai écoutés. C'est vrai que j'avais écouté aussi les petites bref, oui. Vidéo qui était sur internet, donc j'avais déjà découvert un peu votre travail, mais finalement bah, on a passé un bon moment et puis j'ai tout découvert en même temps que les auditeurs, donc j'ai posé les bonnes questions comme si je connaissais rien du tout, quoi. Voilà, très bien. Vous avez un petit message à faire passer auprès des auditeurs? Bah, venez le 18 avril. Ah, le 18 oui. avril. Puis, après, maison le 18 avril, ouais. Puis après le 19, du coup. Oh, Mavrika Live. Bah, voilà, effectivement. Sortez. Voilà, en règle générale, on dit sortez, allez voir les groupes, concerts. Allez les encourager. C'est ça. Parce que parmi les groupes qui sont locaux, il y en a certains qui deviendront internationaux dans quelques temps. Et ça, c'est important de les soutenir dès le départ. C'est ça. Voilà. Ça pourrait dire, j'y étais. Voilà. Voilà. C'est ça. Et puis, il y a une chose qui est sûre, c'est que tous les groupes internationaux ont commencé par être des groupes locaux. Bah oui. Donc voilà. C'est comme tous les gagnants du loto, ils ont commencé par jouer. Sinon. Exactement. Et donc là, c'est pareil. Donc il faut encourager les groupes. Et puis on passe un beau moment. Et puis ça, c'est important de sortir comme ça. Même si bon, là, on va dans les beaux jours, mais des fois en hiver, on n'a pas trop envie, la nuit tombe, il fait froid. Ouais, allez, on fait un petit peu l'effort, on y va, on encourage les groupes et vous allez voir, une fois que vous êtes sur place, vous ne regrettez pas d'assister au concert. En tout cas, on va tout faire pour que vous ne regrettiez pas le déplacement, le 18 avril. Ouais. 18 avril, ouais. Maison de Bégon, donc à partir de 20h et début de concert, 20h30. 20h30, c'est ça. Ouais, voilà. Donc 2 heures de concert minimum, sans les rappels. Voilà. C'est ça. Et ça va être une soirée de malade. Voilà, c'est ça. Très bien. Tout donc, pour, et puis après, on attendra les prochaines dates de concerts que vous allez continuer à publier sur vos réseaux sociaux, sur le site, etc. Donc, on est à l'affût. Le groupe Siragis, alors S-I-R-A-J-I-S. Comme ça se prononce. Voilà, autre chose à rajouter? Bah merci de nous avoir invités. Voilà. Ah oui, merci beaucoup. Merci à toi, merci à Arc-en-Ciel et puis c'était super, on a pu parler un peu de notre passion commune. C'était cool. Et oui. Très bien reçu. Bravo. On vous attend nombreux le 18 avril. Venez nous remplir cette salle. Voilà. Oui, il y a des salles à remplir donc parce qu'un jour les gens ils vont nous dire il y a plus rien. Oui, mais quand il y avait quelque chose, les gens ils sortaient pas, donc il faut continuer à les encourager. Ils nous font sauter les subventions, donc ils venaient tant que c'est encore possible. C'est ça, ils sont encouragés. Continuer à y aller, faire la culture. Quand on sera en guerre avec les Russes, qu'on pourra aller voir des concerts. Ouais, vous le dire. On sera les résistants. Voilà, c'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai, il faut en profiter tant qu'on peut, hein, parce que après, on ne sait pas ce qui va arriver dans les prochaines années. Oui, pensez ça. Tel que va le monde, on commence à se poser des questions sérieusement. Voilà. Venez le 18 avril, voilà. Ouais. Venez le 18 avril, au moins ça sera fait. Après, il sera trop tard. Ils pourront plus vous l'enlever. Ça, c'est une fois que c'est fait, c'est fait. C'est ça. Très bien, on va dire les phrases magiques. Que le rock'n'roll soit avec vous. Une vie sans musique serait une erreur. Et everything is gonna be alright. Voilà. En anglais aussi. Impeccable. Très bien. Peut-être un jour, donc des paroles en espagnol, c'est ça? Ou en allemand, dans Siragis? Non, c'est pas prévu. C'est marrant que vous disiez ça parce que. C'est super drôle. Mais... En néerlandais. En russe. En russe. Voilà, non, pour l'instant, c'est toujours en anglais et en français aussi. Et en français, ce qui est déjà pas mal. Voilà, très bien. Voilà. Il y a un peu de persan aussi. Un peu de persan. Ouais, un petit peu de persan. Très bien. Voilà. Ah oui, ok, d'accord. Non, l'Iran a une place assez importante aussi dans le show, quoi. Enfin, entre la culture, la politique, ce qui s'y passe, enfin, le théâtre international, c'est assez présent, quoi. Ouais. Et après, c'est culturel et ça se transmet même dans votre musique, ça doit se sentir. Ouais, parce que moi je me souviens, je sais pas si vous connaissez ce groupe là, il a participé à Mavrika Live, il est venu aussi dans l'émission Mavrika. Ça fait un moment que j'ai pas de nouvelles, je sais pas si le groupe continue. C'était un groupe qui s'appelait Astral Tears. Non, du tout. Et la chanteuse, elle avait une superbe voix et tout ça. Il faisait du genre Evanescence, donc une musique très puissante et une voix très lyrique. Et il y avait une petite consonance un peu orientale, je l'ai senti tout de suite. Et effectivement, la chanteuse était d'origine turque. Voilà. D'accord. Donc voilà, on le ressent. Voilà, parce que suivant l'endroit d'où on vient, on amène toujours une petite couleur différente, et c'est ce qui fait la richesse aussi de toutes les musiques qu'on peut entendre dans le monde. Quoi. Voilà, chacun amène un peu sa patte, et c'est comme ça qu'on fait évoluer la musique. Et donc, je pense que inconsciemment, vous l'avez aussi dans ce groupe-là. Ah oui. Et puis voilà. Les gens vont l'entendre de toute façon sur les sur certains morceaux qu'on n'a pas encore joués. Et ouais. Ça va être très très flagrant de toute façon. C'est pour ça qu'il faut venir. Vous n'avez pas tout entendu. Le 18 avril, 20h30. C'est bien d'écouter la radio, c'est bien d'écouter les enregistrements, mais venez au concert, c'est une autre dimension. Il y a le bruit, il y a les gens, il y a les odeurs, il y a ce qu'il faut. Voilà. Ouais. Très bien. Donc voilà, pour clôturer l'émission, vous avez quelque chose à rajouter de particulier? Non, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, vous faites partie de la Mavericas Family, donc le contact est pris. Vous revenez quand vous voulez, dès qu'il y a de l'actualité. Il n'y a pas de souci. Voilà, on passe un petit moment ensemble et on aime bien que les groupes viennent et qu'ils reviennent pour nous donner un petit peu de leurs nouvelles. Bah, et comme ça, on fera un point dans quelques temps. C'est ça. On reviendra des États-Unis exprès. Et on vous ramènera une carte postale du Pérou. Du Pérou. On ira jouer là-bas. Donc un petit coucou à ceux qui nous écoutent du Pérou, de Colombie, d'Équateur, etc. Voilà, Costa Rica. Voilà. Donc voilà, cette émission numéro 632 se termine. On va souhaiter aux auditeurs une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne semaine. Ouais. Et rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Donc à partir de 19h, on recevra ici le groupe Azen Blues pour les amateurs de rock'n'roll et de blues. Voilà, tout simplement. Yes. Donc on va les découvrir en direct, puisque je connais déjà les membres, mais là, ils seront dans les studios pour nous présenter leur travail. Aujourd'hui, c'était consacré au groupe Siragis. Continuez de les suivre et surtout allez les voir en concert le 18 avril, voilà, à Maison de Bégon à Blois, à partir de 20h. Voilà, on l'a dit. On l'a dit, on l'a répété. C'est clair. Le rendez-vous n'est pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. On va se quitter avec, on va repasser le premier morceau de Siragis. Hein. Allegro. Hein, Allegro. Avec deux L. Donc on l'a écouté en début d'émission, mais justement on va essayer de le mettre dans la tête des auditeurs pour qu'ils aient envie d'aller vous voir au prochain concert. En tout cas, merci beaucoup d'être passé dans les studios. Merci à vous. On va rendre l'antenne, mais pour nous c'est pas fini, hein, parce que derrière on va faire les photos pour avoir l'album, je vais vous remettre les diplômes, etc. Donc voilà. Ah oui, des diplômes. Ah, ouais. Je n'aurais pas tout dit. Alors, j'en ai jamais eu de ma vie. Voilà. Alors je voulais quand même dire un petit clin d'œil, c'est que la semaine dernière j'ai reçu Luce Tolassi, qui est venu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je lui ai donné les affiches et tout ça, j'ai oublié de lui donner le diplôme parce qu'il est resté dans mon imprimante. Donc je lui ai transféré par internet. Voilà. Bon, en tout cas, bon, c'est pas bien grave. Et voilà, c'est un petit souvenir, tout simplement. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre participation à l'émission Mavericas. Merci. Et on se donne rendez-vous très bientôt, dès que c'est possible. Oui. Ah oui. Ou en concert, ou alors dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le 18 avril à Maison de Diego. Allez, le 18 avril. À la maison d'Afrique. prison cell can say I'm sure he's dead, we need a cure. They tried my heart, the FBI at the same time, breaking my anxiety. That's good in my head, yeah, I committed no crime. Anyone? Sim, mas eu, deixem-me dizer-vos, as portuguesas e os portugueses têm todos os elementos para ponderar aquilo que é o melhor projeto, aquilo que é a melhor liderança política, aquilo que é o melhor rumo para o país. É nisso que eu me vou concentrar e vou-me concentrar com todas as...